Donc du coup, bah faudra partir à gauche et après c'est où? Dehors? Bah dehors c'est à gauche encore. Donc tu vas tout droit d'où on est venu, non, et après t'as la grande porte. Il y a une haie particulière Ah bah ouais, à droite, ouais, en montant à droite quoi, tac. D'accord. Au cas où. Hein. Okay, bon, bah on peut y aller? Bah ouais, bah attends, je me choisis D'accord. Un petit meuble. Le carbonifère, hein, c'est pas D'accord. mal ça. Bah agrippe pas toutes tes cartes. Hein. Je garde ça. D'accord. Bon, bah on est parti. C'est parti. Donc, c'est le troisième épisode de cette saison 2 de Road to Hellfest. C'est pas faux. Et bah du coup, faut... Ah bah c'est, oui, c'est... Ça, c'est hey. Ah mais... Mais... Mais... Joe Joe non. Le fantôme de Joe. Moi j'ai entendu trois bruits. Et oui, parce que ce soir, on a un invité. Parce qu'en fait, on en avait marre de passer une heure à parler, on n'avait plus rien à dire. Voilà. Puis comme on l'a dit, on s'entend que pour le podcast. Voilà, comme on peut pas se voir en dehors et qu'on est obligé, là, à un bon moment, on arrive à saturation. Ça fait deux épisodes qu'on n'a rien à dire. À cause de quoi? À cause du fest. Ben ouais. Donc du coup, bah, on a décidé de demander à quelqu'un de venir. On a demandé à Richard de venir. Bonsoir. Bonsoir. Hey, ça va Richard? Ça va et toi? Hey, ça va, ça va. Est-ce que tu as passé une bonne semaine, Richard? C'est toujours la base. La question. Une bonne semaine? Ouais. Bof. Bof? Bon, c'est déjà ça. Hein. Et toi, Bob? Bah, bien sûr. Ouais, toujours. Cool. Je suis en vacances. D'accord. Bah, je vais attendre. Voilà. Bah moi aussi j'ai passé une bonne semaine, merci. Ok. Non mais on s'en fout en fait, c'est bon. C'est ça, c'est ça. L'idée. Donc du coup, au niveau des news, on va être très ténu. Parce qu'on en a beaucoup. Bah non du coup. Moi je vais commencer par ma news et je te laisse faire la tienne après. Salaud. Quoi? Alors ma news c'est que vendredi dernier, Trivium a sorti son 8e album. Que je l'ai acheté et que j'ai écouté 6 chansons. Mais si, c'est bien. Richard a fait un geste. Tu n'aimes pas Trivium, Richard? Est-ce que tu as écouté le dernier album? Vite fait, j'ai survolé. Et t'as pas aimé? Non. Ok, alors on en parlera hors antenne. On va pas tout de suite se fâcher. Ah, t'es sérieux? Bah non, on en parlera hors antenne. Ah mais désolé, la musique d'adolescence, c'est plus pour moi. Très bien. Il va y avoir une bonne ambiance dans ce podcast. Ok, donc ça c'était ma news. Sinon toi ta news, alors c'était pour le culte, je crois. Oui, tout à fait. Tu voulais dire que ça s'était déjà tout vendu. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. En combien de temps? Oh, bah, en pas longtemps. Hein. En 3-4 jours à peu près, je crois. Non, ouais. En 24 heures. En une journée. Bah si, moi j'ai vu la... C'est les places pour le Hellfest qui ont été vendues en une journée. Non, mais bah moi j'ai appris pour le cult, j'ai appris mardi. T'en es quand là? On est mercredi. Mercredi, ouais. Non, j'ai appris lundi. Et mardi, il n'y avait déjà plus rien. Ouais, ça s'est vidé. Ouais, peut-être, ouais. Je m'en rappelle plus. On peut checker. Quelqu'un peut checker en live pendant... Meuble. Oui, ok. Alors, donc la carte 2, carbonifère, 345 millions d'années avant nos jours, hein, bien sûr. Petrola Kosaurus. Pas trop vite parce que ça rame un peu. Petrola Kosaurus, hein, on est bien d'accord. Durant le cours de l'évolution des reptiles, apparaît un groupe très important, les Pelicosauriens. Hein, on est tout à fait d'accord avec ça. Et le Pelicosaurus en fait partie. C'est un animal de la taille des lézards. C'est vrai. Très intéressant. Adapté à la vie dans la forêt. Sa nourriture est à base d'insectes. Eh ben, qu'est-ce que j'ai... Donc, c'est un vegan. Voilà. C'est pas mal. Moi, j'ai... Attends, hier à 11h31, blablabla, imaginé en 2012, lancé en 2013, le projet fan club, blablabla. Et après, j'ai hier à 11h32, il restait plus que 75%. Donc, super, donc déjà au niveau de leur com, ils sont zéro, hein, on peut le dire. À 14h54, 90%. Et à 21h35, c'était complet. Et pour moi, c'était avant-hier qu'ils ont mis en vente. Qu'est-ce que t'as comme... T'as des news là-dessus, Richard? Attends, je le regarde. Il y a 21h35, ouais. Donc c'était complet. Donc, hier, pour moi, était c'est mardi. Ouais, et c'est lundi que ça s'est mis en vente. Oui. Donc je dirais qu'ils ont dû mettre un peu plus de 24 heures. Car j'ai acheté aussi mon poste lundi. Ah, bah on va en arriver là. On va faire les choses dans l'ordre. Donc déjà, Richard, en plus d'être bassiste d'un groupe de folklore métallique, c'est ça? Oui, si on peut dire. Folklore normand, quand même. C'est ça, folklore normand. Mais... tu es du nom de Génome, d'ailleurs. Oui. Tu es donc aussi un grand fan du Hellfest, parce que ça fait pas mal de temps que tu y vas. Bah, j'y vais depuis 2012, et j'y suis allé en 2009. Ah oui, d'accord. Donc depuis 2012, t'as pas 2012, arrêté. Hein. Et oui. T'as été... Ah, d'accord, très bien. Et du coup, on peut commencer par les petites questions usuelles. Qu'as-tu pensé de l'édition de cette année? Alors, cette année, très chaude. C'est vrai, j'ai pensé la même chose. Chaude. Moi aussi. Donc, pas bu beaucoup d'alcool à cause de ça. Hey, malheureusement. Ouais, tu deviens raisonnable comme nous tous. Hein. Yeah, ouais. Bon, j'en ai profité du dimanche soir. Oui, tu t'es laissé la fin. Et on... ouais. Ouais. Je me la mets. Ce qui est sorti du contexte. Derrière l'oreille. C'est vrai. Mais en termes de musique. Musicalement, très bonne, comme chaque année. Les bonnes découvertes. Bah, les découvertes, je les ai faites avant, quand la liste est tombée. Est-ce que tu fais aussi une préparation du Hellfest? Tu vas écouter les groupes que oui, tu connais pas, et ça, j'écoute un peu, voir ce qui tombe. Et puis après, bah, on va faire les découvertes le jour même, quoi. D'accord. Donc, depuis 2012, tu as dit que tu y allais tous les ans. Il y a d'autres festivals comme ça que tu fais tout le temps ou c'est vraiment le fest C'est le fest vraiment que je fais tout le temps. D'accord. On va dire c'est mes vacances de l'année, c'est ça. C'est ça. Bah, un peu comme toi, Bob. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Exactement. Du coup, je sais pas si on peut... parler de ton ressenti, Bob, parce que Bob avait un ressenti particulier sur cette année qui est en fait plus un... Donc 2012, du coup, toi, t'es arrivé en fait, t'as connu l'ancien site aussi, en 2009, du coup. Ouais. Et 2012, t'es arrivé... sur le nouveau site, voilà. Tout début du nouveau site, voilà. Où le pass était encore à 150 euros. À fond, quand t'es arrivé. Bah, c'est ça qui était marrant. T'avais la grosse crevasse au milieu, qui était sympa à traverser. Donc t'allais dans la forêt, tu vois tous les gens qui sont allongés, avant c'était le riz noir, voilà. Le festival. Ouais. Donc, ça sentait bon. Ça sentait bon, mais... vraiment sur tout le site, quand tu sentais que c'était... c'était chouette. Ah, hein. C'était bien marrant. Ouais. Bah, c'était encore bien rock'n'roll, hein, cette époque-là. Hein. Et du coup, pour te résumer un peu la pensée de Bob... Bob aimait plus l'esprit d'avant, parce que c'était quand ton premier fest. Bah, on va dire, t'as fait le Fury Fest. J'ai fait le Fury Fest, j'ai repris en 2010. D'accord. Et depuis, je fais tous les ans. Et du coup, il préférait l'esprit d'avant, il trouve que maintenant, le festival s'est ouvert à un petit peu trop de monde, et de monde et de culture musicale assez différentes, et qui viennent presque plus pour l'effet de mode que pour le vrai true metal, comme on dirait, même si ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui de dire true metal, dans le sens où... C'est un truc que moi j'ai remarqué justement, je trouve que le Hellfest réunit assez de groupes différents, on va dire rock au sens large, plus que forcément métal, et que donc ça amène forcément d'autres mondes. Mais toi, tu, Bob, parles vraiment de gens qui sont extérieurs à ce monde. Je parle pas de l'affiche, hein. je parle pas des groupes en eux-mêmes. Tu parles du public, t'as un problème un peu... Je vois que le public, ouais, il y a un changement de public. Ouais. Voilà, donc. Moi je le vois un peu, on va dire que je l'ai vu une fois en général, ces mecs-là, ils viennent. Ces personnes-là, plutôt, on va dire, ils viennent surtout à la journée pour voir un groupe ou deux groupes. Ils viennent pas spécialement sur les trois jours, parce que c'est pas des vrais festivaliers du Hellfest. Tu crois pas qu'il y a l'effet de mode aussi qui a fait venir du monde? Si, si, parce que des fois, quand je parle à des collègues, le Hellfest, faut que je le fasse. Moi j'ai Alors, c'est pas des métalleux du tout, c'est juste pour dire, j'ai au moins fait le Hellfest une fois, voir ce que c'est, découvrir les gens, les métalleux, ce que c'est, les personnes qui écoutent du métal, du punk. Phénomène de foire. Ouais, voilà, c'est ça. On va voir les gens qui montent leur cul, tout ça, mais bon. Ce qui est pas si vrai que ça en fait. Hein, le Hellfest, c'est pas le petit journal quoi. Non, en fait, c'est ça. Merci, ça, Yann Barthès. Yann Barthès et les cons qui ont accepté aussi de le faire. Oui, voilà, c'est ça. Parce que il y a eu le truc et ça a été lancé. Mais voilà, d'un côté, ça a donné un bon sentiment au festival. Comme quoi, c'était pas des méchants. Ça a donné une bonne pub. Moi, c'est en découvrant le petit journal que je me suis rendu compte que les mecs montraient leur cul. Et pas l'inverse. Tu as beau venir au festival, t'en vois pas tant que ça des mecs qui passent leur temps à montrer leur cul. Non. Mais bref. On digresse un petit peu. Donc, musicalement, tu l'as trouvé très bonne cette année assez divers, quand même. Comme tous les ans. Hein. Ouais. Franchement, pour moi, l'affiche, cette année, c'est top à chaque fois. Hein. Ouais, qu'est-ce que t'as bien aimé cette année? Cette année, j'ai bien aimé Primus. Ah, ça, c'est intéressant. Qui n'est pas du tout du métal. Oui, mais vu que je suis bassiste, on entend du Primus, automatiquement, il faut aller voir. Tu vois, regarde, Bob est un grand fan de Primus. Donc, je vous laisse discuter. Je mange à réglisse. Moi j'ai pas trop apprécié le show en lui-même, j'ai trouvé un peu fade, j'ai pas trouvé Primus j'aurais aimé le voir. Je pense qu'à mon avis j'ai plutôt une envie de voir Primus, tu vois, des années 90, tu vois, Primus quoi. Et là j'ai plus vu Claypool. C'est plus théâtral entre guillemets maintenant. Oui voilà, c'est ça quoi, ils sont beaucoup plus sages et beaucoup beaucoup plus cool, et le public m'a gonflé beaucoup, entre autres la grognasse qui m'a slamé 10 ou 15 fois sur la tête. Primus, le groupe de slam. Tout à fait, c'est bien connu, ils sont connus pour ça, c'est un groupe de slam. Mais voilà quoi, donc tu peux pas apprécier ton... C'est pour ça aussi que j'étais un peu en rogne sur ce côté-là. Quoi. C'est le manque de respect du public. Le manque de respect du public, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Mais après, cette année, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de slams, dont moi j'en ai fait beaucoup aussi. Et je crois que cette année, c'était vraiment une grosse année à slam. Oui, mais toi, t'as perdu ton téléphone, général. Donc quelque part, t'as payé pour ça. Bah, c'est... Voilà. J'ai pas perdu mon téléphone, il s'est noyé dans mon sac à dos. Bah, voilà, mais donc t'as payé. T'as payé ta dette. Merci les ramoneurs du Ménéa. Nous, on n'a même pas tenté, ça devait être blindé, les ramoneurs. Je pense aussi. Ouais. Non, ça allait. Moi, j'étais devant, je pogotais tranquillement, je faisais des slams. Et je revenais à ma place à chaque coup. Ouais, bah on aurait dû peut-être du temps. Ah, c'est parce que c'était. Que souvent les gens ils s'arrêtent souvent sur les côtés quoi, ils vont pas en plein milieu. Non, non mais c'était quand? C'était l'année dernière ou c'était il y a deux ans qu'on avait essayé? Non, c'était l'année dernière je crois, les ramoneurs. Ah, c'était il y a en 2015. Non, je crois, ouais, 2015. Ouais. C'était en 2015. Quand la Warzone ouais. était encore. Non. Ah bah oui, je sais plus. Bah en tout cas, on n'a pas pu y aller. Enfin, on était de loin. Oui. Mais si, parce que là, c'était blindé. Sur le côté. Ouais, bah on était. Ouais, bah, on quand était on avait vu blindé, North, ouais. machin truc, ouais, Star. Ouais, Fist of the North Star. Voilà. Et c'était la même année que Body Count, je crois. Oui, et ben voilà, c'est ça. Et c'était toujours blindé. Ouais. Et du coup, t'as écouté le dernier Primus? Oui. Tu l'as trouvé comment? Original. Voilà. C'est le délire, il se prend un... Alors, si je me répète bien, le délire, c'est quoi? Ah, d'accord. Il y a des bruits. Voilà. Il y a des bruits alentour. C'est vivant. Voilà, c'est un podcast vivant, il y a du bruit. Ouais, donc tu l'as trouvé sympa. Original. Original. D'accord, très bien. Est-ce que tu as une édition qui t'a plus marqué que les autres? Ah, mais non, attends, je suis con, je fais les choses dans le désordre. Hey, est-ce qu'il y a des groupes qui t'ont déçu cette année? Cette année, qui est-ce qui m'a déçu? Ça aurait pu, hein. Attends, je prends mon anti-sèche. Oui, prends mon anti-sèche. Hein. Parce qu'il y a tellement de groupes que. Je sais qu'il y a un groupe attends, qui m'ont déçu. Entre deux, je sais qu'il y a. Je sais que t'as beaucoup aimé. Enfin, non, j'ai cru comprendre que t'avais aimé Prophet of Rage. Ah, ça c'était énorme. Ah bah oui, bah pas, moi j'ai pas aimé moi. Parce qu'en fait, je trouve que c'est pas un groupe. C'est le fantôme d'un groupe. Ouais. Et moi, je pense que les deux chanteurs qui sont devant, ils sont aussi bien que le chanteur de Rage Again. Hein. Alors, non, ah. En fait, déjà, ça, bon, c'est discutable. Mais en fait, moi, ce qui m'embête, c'est. Bah, je l'ai déjà dit dans les autres épisodes, donc c'est moi. Ça fait un peu mec qui se répète. Et t'étais assez d'accord avec moi sur le fond. C'est que tu vois, tous les autres projets qu'ils ont pu avoir, les membres du groupe, il y avait une identité. Quelque chose. Et là, je le sens pas. Moi, le problème. Alors, que je... c'est Audio Slave. Hein. Oui, en fait, Audio Slave. Le problème voilà, que je me pose là-dedans, c'est que le problème, c'est qu'ils sont pas sortis. Les trois musiciens de Rage Again, ouais. Ils sont pas sortis de ça, en fait. Bah, autant au niveau du son que ah ouais, c'est totalement ça, hein. Musicalement. Mais c'est ça qui est autant, dommage. C'est des mecs qui sont super bons. Prophet of Rage, c'est super. C'est un groupe qu'il faut voir en live. Bah, ça, je suis d'accord. Après, quand t'aimes. Musicalement, c'est énorme. Mais après, voilà, quand ils font des nouveaux albums, comme dans Audio Slave. Prophète, et ben Tom Morello et compagnie, ben, ils font toujours la même chose. On a le même son, mais je trouvais que dans Audio Slave, il y avait plus une identité de groupe. Ouais. Je trouve que c'était plus présent, alors que là, t'as vraiment quand même l'impression. Et après, il y a toujours les mêmes bases, la batterie, c'est toujours pareil. Ouais, non, mais ça, tu retrouves les mêmes rythmes, ça, c'est normal en même temps quand tu gardes un trio rythmique. Ouais, mais justement, c'est là qu'ils doivent se faire. On fait autre chose. Et ben, on essaie de faire autre chose. Et ben oui, mais Audio Slave, je trouvais que ça se mariait bien. Je trouve qu'il y avait une autre atmosphère. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment du Rage bis. Et c'est ça qui m'embêtait. Et je pense qu'aussi, c'est Chris Cornell qui a porté sa patte. Oui, bah d'accord. Et que là, les deux mecs apportent pas alors plus. Que le chanteur de Rage Against the Machine, c'est un mec qui est un peu dans le hip-hop. Alors, non, tu remets ça, des chanteurs de hip-hop derrière. C'est ça qu'automatiquement, tu vas te rapprocher du si Rage. Tu veux, en fait, moi, ce que j'aimais pas trop la démarche du groupe d'arriver et de jouer des morceaux de Rage. Parce que ils savaient déjà que ça allait marcher, forcément. Oui. C'est ce que tout le monde voulait. Et quand t'écoutes leur album, bah t'as l'impression que c'est juste une copie en fait. Ça m'a rien apporté. En fait, ils sont montés quand? Ça fait même pas deux ans que c'est monté. Ouais, ouais, donc, ouais. Mais tu crois pas que s'ils étaient arrivés. Ils ont fait une musique, après ils ont fait beaucoup de rage, et puis là ils ont sorti l'album. Bah mais est-ce que tu crois pas que justement, selon moi, ça aurait été un peu moins faux s'ils étaient arrivés directement avec un album? Comme là ils sont arrivés avec beaucoup de reprises pour voir si ça marchait. Forcément, et évidemment que ça allait marcher. Tant tu mets ça en main stage, tout le public va. Parce que c'est... Oui, même avant, de toute façon, tu vois, rien que les personnes qui sont sur la liste, tu fais ouais, ok. Oui, bah, mais ça manque, moi je trouve que ça manque d'identité propre. Ça sonne pas groupe, ça sonne groupe bis. Voilà. Mais c'est un tribute, Rage Against the Machine. Voilà, là, j'aurais dit ok, je signe. D'accord, là, vous êtes bien. Alors, quel autre groupe? Alors, vas-y, fais-nous rêver avec ton petit set. C'était quoi la question? Quel autre groupe t'as bien aimé cette année? Que j'aimais? Ouais, que t'as aimé. Suicidal Tendencies. Ah ouais, en fait, j'ai un peu découvert cette année en écoutant leur dernier album. Mmh. Et puis, dans la Warzone, je crois que c'est la première fois que je vois la Warzone porter réellement son nom. C'était la guerre. Est-ce que t'as pas été voir... comment ça s'appelait Le dimanche, il y avait un autre groupe où ça a été la guerre, pareil. Si tu veux un groupe qui m'a vraiment déçu, voire deux groupes, bah, un gros groupe qui m'a vraiment déçu, c'est Trust. Pff, j'ai même pas été les voir. Mais... Voilà. J'ai été Linkin Park. T'as été voir pour l'histoire, pour dire... Non, je suis allé voir Linkin Park. J'ai vu Linkin Park parce que j'attendais le concert de Slayer. On va en parler après. Mais Linkin Park... Mais Linkin Park, j'ai pleuré pendant deux heures, quoi. Ah, j'ai eu mal aux oreilles. Il m'a fallu partir. Every Time I Die sur la Warzone, c'était assez... C'était à quelle heure? Bah, ça devait être en même temps que Linkin Park, je crois. Et en fait, c'est... Ou avant. Et en tout cas, c'était encore la guerre, quoi. Ils sont tous montés sur scène et tout ça. Ah oui, au début, j'ai commencé à regarder. Je crois que j'ai pas trop... Moi, j'étais à côté. J'ai pas trop accroché, donc je suis parti. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que sur Idol, c'était un peu bien. Et bon, bah, Linkin Park, je pense que... Bah, en même temps, ils ont fait le concert qu'ils ont voulu faire. Et puis voilà. Bah, après, moi, je critique Linkin Park parce que voilà, dans cette putain de fosse, il y avait une putain de barrière, une crash barrière qui a été mandée par Linkin Park. Et qui a été hyper dangereux au moment de Prophet of Rage. Ah ouais, bon bah là. Attends, on peut plus. Donc, deux points, gros points négatifs pour les Linkin Park. C'est ça. Un mauvais set et une barrière. Et du coup, Slayer, t'as aimé? Moi, je suis resté au début et j'ai pas trop aimé. Hein. Ouais, ils ont fait du Slayer, quoi. Voilà, bah c'est ça. Mais ils seraient... Par contre, l'année dernière, ils ont fait un putain de show. Ah ouais? Moi, je trouvais que l'année dernière, ils ont fait un bon show. Je les ai pas vus l'année dernière. Justement. Après, peut-être parce que c'était le jour. Je sais pas. Tu les verras peut-être cette année. Je les verrai cette année, c'est sûr. As-tu été voir Aerosmith ou non. Deep Purple? Non. D'accord. Bon, alors, quel autre groupe t'as kiffé? Avatar. Ah, bien sympa. Très sympa. C'est le groupe en ce moment, j'écoute ça dans la voiture. Ah ouais, non, ça passe bien, c'est hyper... Avatar, Skindred. Ouais, c'était vachement surprenant. Ça bouge bien, quoi. Ouais, j'ai été surpris. J'ai découvert... C'est un bon groupe festoche, quoi. Ouais, festoche. Nickel. Est-ce que t'as pas... Alors, petite question, parce qu'on s'est fait la remarque sur Avatar, mais t'as pas eu l'impression qu'il y a une bande au début? Moi, j'ai entendu un pet de musique et c'est comme si la musique s'accélérait à un moment donné. Il y a eu un forage avec le batteur ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a repris. Ah, parce que oui, ils ont des petites bandes son des fois. Donc, Bah non, c'est ça jouait là. Ah ouais, ah ouais. Ils étaient en plein milieu d'un morceau. Ils étaient en plein milieu d'un truc, ouais. Ah, je sais pas, non, j'ai pas fait. Bah non, mais c'est parce qu'on se demandait. Alors, si ça se trouve, c'est peut-être les retours qui ont un truc, mais enfin, ça, à mon avis, il n'y a pas j'ai de mémoire. J'ai pas tiqué, mais quand tu m'as dit, mais oui, c'est vrai que c'est... J'ai eu un. Pas comme un pain, enfin il y a une espèce c'était, de. Ça faisait vraiment comme s'il y avait une accélération et après, tu sais, comme s'il repassait la bande à la mauvaise vitesse, quoi. Après, c'est peut-être un effet 2, je sais peut-être, pas. Peut-être. Non, mais c'est. Faudrait regarder le live sur internet, c'est lié. Je l'ai pas vu. Non. J'ai même pas cherché. Je l'ai pas cherché non plus. C'est pour ça. Je l'ai pas vu. Voilà. Ça, c'est la vieille. Mais c'est le bon petit trou, quoi. Très très bien, c'est sympa. Vrai. Qui va monter, je pense. Bon, ils sont déjà bien. Bon, oui, mais qui va monter encore plus haut, je pense, quoi. Ouais. Un peu comme Ghost. Ouais, puis là on va apprendre que. Ouais, qu'en fait il n'y avait qu'un chanteur et que les autres n'étaient pas des vrais musiciens. Enfin, t'es pas un groupe. Alors, on a parlé de ça dans l'épisode de la semaine dernière, on parlait justement de Ghost et un peu du côté arnaque du groupe. En fait. Mais il commençait à être. Bah, l'arnaque du chanteur surtout. Bah oui, mais c'est en fait, et comme vient de le dire Bob, je commençais à être fatigué. Et je disais, c'était pas très clair. Mais en fait, c'est vrai qu'on se posait la question de savoir si maintenant qu'on sait que Ghost est en fait le projet d'un seul homme, est-ce que c'est toujours bien ou pas, quoi. Enfin, Moi, je regarde plus pareil déjà. Déjà, hein, notre avis, il change. Parce que t'as... Je me dis, le mec, il a fait ça que pour le pognon, il a détourné de l'argent. Ouais, mais il a réussi. Il t'a fait aimer des morceaux. Ouais, mais avant, c'était les autres musiciens qui créaient aussi. Bah non, apparemment, c'était que lui. Ça a toujours été que lui. Je crois pas. Mais... Ah si, moi, dans les trucs que j'ai lus, lui, il disait aux gens quoi jouer, tac-tac, et c'était que lui. C'est pour ça. Donc c'est pour ça que j'attends de voir la suite, mais le problème, c'est que la suite, on aura toujours un a priori maintenant. Oui, voilà. C'est vrai par contre... T'avais vu le concert de 2016? Ah, très bien. Il était énorme. Oui, c'était super. Hein. J'étais soufflé, moi. Donc. Ouais. Ouais. Ok. C'est comme ça. Bah, c'est comme ça. Bah, maintenant qu'on a fait. Donc, t'as acheté tes billets, toi, pour 2018. Oui. Bah, mon billet. Oui, c'est vrai. Et du coup, t'as aussi pris une adhésion au culte. Oui. Parce que ça va être ta deuxième année au culte. Voilà. Du coup, bah, c'était ta première année cette fois au culte? Cette année, ouais. Et bah, alors, qu'est-ce qui se passe juste avec le culte? Raconte-nous tout, parce que nous, on connaît. Le culte, et ben, en gros, c'est l'adhésion des fans du Hellfest, entre guillemets. C'est pas que les fans du Hellfest, c'est aussi les personnes qui veulent rencontrer d'autres personnes. D'accord. Et puis, voilà. Ouais, c'est bien déjà. Et ça comprend quoi, alors, l'inscription, exactement? Donc, l'inscription, ben, on a des petits goodies qu'on reçoit dans un petit coffret. Mm-hmm. Et après, ça permet d'accéder à des événements qui se passent tout au long de l'année. Ouais, hors festival. Hors festival. Il y en a eu beaucoup? Moi, il y en a eu, quelques-uns, il y en a eu une bonne dizaine quand même. Ah, quand même. Après, moi, j'en ai fait que 1, 2, 3. Donc, parce qu'après, c'est pareil, hein, faut se déplacer, des fois, c'est à l'autre bout de la France. Ah ouais, quand même, ouais, d'accord, c'est un peu partout. Le 4, c'est vraiment, c'est pas dire une communauté, parce que c'est pas une communauté, mais ça va sur toute la France, donc... C'est une grande famille. Monde, voilà. C'est ça. La famille du métal, la famille. C'est ça. Oh, la ça permet de rencontrer du monde, discuter avec plein de personnes. D'accord. Et on va dire, donc ça, c'est les petits à côté. Et en soi, sur le fest, ça t'a permis d'avoir, ça t'a permis des trucs en plus. Bah, ça permet d'avoir un lieu privatisé. Ouais, ouais. Donc ça permet d'avoir un petit lieu pour se reposer tranquillement. Si on peut faire la queue pour prendre une bière, ça permet d'aller prendre de la bière. Mmh. Ouais, faut quand même que tu retournes. Oui, non, mais c'est genre, t'es au Metal Corner ouais, voilà. Le jeudi soir, mais déjà, t'as la soirée dans le club. Et elles sont bien, ces soirées ? Oui. Oui, t'as des bons concerts, tout ça. T'as des concerts t'as privés des concerts. En plus, voilà. Ouais. D'accord. Merci, Jack. Il est ouvert de quelle heure à quelle heure, le culte, quand ces cas-là ? Ah voilà. Là voilà. Tu me poses une colle parce que le jeudi. Je vois jamais la fermeture. Le jeudi bah ça ouvre. Ah bah je sais même pas en fait. Je crois que ça va partir de 18h, 19h. D'accord. Et ça ferme à 3-4h du matin. Ah ouais. Et après c'est ouvert vendredi, samedi, dimanche, on va partir de 9h ou 10h, je crois, une corrine en genre. Et ça referme à 4-5h. Ah ouais. Et donc toi, à la base, tu l'as pris pourquoi pour tester, pour voir ? Bah parce que voilà, ça fait déjà 6 ans que je fais de l'Hellfest, mm-hmm. Donc je voulais voir autre chose. Mm-hmm. Donc, quand on veut voir autre chose, on passe déjà par le club. Mm-hmm. Et puis après, ça permet de faire des connaissances, parler avec du monde. J'avais cru voir, alors vite fait, il y a aussi, normalement, donc sur les réseaux sociaux, tu as accès à d'autres trucs, comme des groupes un peu... Ah, les chapters. Peut-être, je sais pas, ouais. Oui, mais en fait, les chapters, c'est... Comment dire ? C'est quand t'aimes bien un truc, tu vois, il y a un chapter pour le Jack Daniel's, ceux qui aiment bien le Jack. Donc ah ouais, partie du chef. On demande être au chapter, et puis après, on ressort un petit écusson qu'on met sur une veste, tout comme ça. Ah ouais, d'accord. Il y a un chapter de Normand, il y a un chapter breton. Ouais, donc en fait, tu te retrouves un peu par région, quoi. Oui, voilà. Par région, par affiliation. Oui, par affinité, truc que t'aimes et tout ça. Et du coup, ça t'a permis de rencontrer des gens plus de la région ou pas ? Région, bah, j'ai plus rencontré des personnes autres que de la Normandie quand même. D'accord. Ok. Et si je dis pas de conneries, donc t'étais un des événements il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines à peu près. C'est le Last Hammer Blast. Ouais. Qui est en fait la clôture de la saison du. De l'édition 2017. Voilà. D'accord. Et ça consiste en quoi ? Parce que j'ai vu des photos sur les réseaux, donc apparemment c'était un week-end alors. Oui, c'est sur un week-end de 2 jours. Ouais. Vendredi, samedi et le dimanche, on rend les clés. Mmh. Donc c'est dans un camping qui est plein de bungalows, et puis on est 6 par bungalow à peu près. Ouais. Et puis bah t'arrives le vendredi midi, tu prends ton pack de bière. T'es fatigué après. Et tu bois du vendredi midi jusqu'au dimanche matin vers 3, 4h, 5h du matin. Ah, c'est quand même un truc de marathon. En fait c'est un Hellfest mais en 2 jours. D'accord. Sans les concerts, il y avait juste 2 concerts, ce qui était très bien. Donc cette année, on a eu Ultra Vomit et un tribut de Pantera. Tiens, bah cool, tribut de Pantera. Mmh. Et du coup, bah, Ultra Vomit, tu les avais vus au fest ? Mmh. Non. Ah, t'avais pas vu ? Ben non. Ah. Parce que moi, je dors pas sur le camping. Oui, c'est ça, j'allais venir je après. Je dors sur un parking et vu que quand on se lève, et ben, on prend un petit déj et après on prend l'apéro. Ah oui, mais vous arrivez, c'est pour ça. Et le problème, c'est qu'Ultra Vomit ont joué au moment de l'apéro. Et c'est vrai, ils ont complètement joué au moment de l'apéro, je me souviens. Ouais, donc du coup, et bah, du coup tu les as vus là et t'avais bien aimé ? Oui. Ouais, tu m'étonnes. Je les avais déjà vus en 2015 au Motoculteur. Mm-hmm. Ah, attention. Ah, non, c'est bon. Il se retient parce qu'il a des petits problèmes d'expiration. Hey, on retrinque. Jean. On peut retrinquer. Hein. Ouais. Bon, j'ai déjà vu. Voyons voir. Attention. Ça va. Et donc, du coup, alors ce week-end, par contre, c'est un truc payant en plus. Oui. Bah, ça mais bon, vu le prix qu'on a payé, franchement... Ah non, c'était quand c'était... Comment ? C'était combien ? Soit 119 euros, si je me trompe pas. Pour le week-end ? Oui. Et ça comprend quoi ? Alors, le t-shirt. Hé, hey, stylé ! Trop de la balle. Ouais, bah, les 2 nuits dans le bungalow. Ouais, ça va, déjà, rien que ça, c'est bon. Ouais, ça va. Hein. Bah, Ultra Vomit en concert, plus le tribut de Pantera. Ouais. La paella du vendredi soir. Ah, une paella, c'est cramé. Et le cochon grillé du samedi soir. Et le cochon grillé, oh là là là là. Est-ce qu'il y avait du pain? On pouvait faire des sandwichs ou pas? Oui, oui, il y avait du pain. Et puis, il y avait le brunch du samedi matin, samedi midi. Bon, par contre, tout offert, le brunch et tout. Ah ouais, rien à payer. Ouais, l'alcool un peu à payer. Et il fallait emmener seulement 2 bouteilles d'alcool. Et en fait, on les met au bar. Et à partir de 21 ou 22 heures, je ne sais plus trop, c'est open bar. D'accord. Donc, tu arrives au bar, tu te fais remplir ton verre de ce que tu veux. Et voilà. Donc, c'est super, c'est pas... D'accord. Pas si cher que donc, ça. Donc toi, on va dire que t'as vraiment kiffé en fait. Ah oui, oui, oui. Donc tu rencontres du monde quoi. C'est bah ça, c'est, ça ouais, c'est cool. Ouais. J'ai cru voir aussi qu'il y avait des activités un peu à la con. Des jeux. Bon après, il faut s'inscrire, mais. Je les ai pas fait. Oui, je t'ai pas vu sur les photos. Ah non, parce qu'il fallait trouver des personnes avec qui le faire. Et au moment où je voulais le faire, ils étaient déjà tous. Ok. Et donc du coup, ça t'as quand même bien kiffé l'expérience. Et ouais. Est-ce que c'est un truc que tu conseillerais à tous les festivaliers ou genre à ceux qui ont envie de quelque chose de nouveau? Bah à ceux qui veulent quelque chose de nouveau, puis quand même faut aimer le métal quoi, c'est vraiment... Pour le coup tu... Puis après voilà, tu parles quand même de métal, après tu vas parler d'autre chose, hein. Tu vas parler de ta vie, tout ça, mais à base il faut aimer le métal, faut pas dire je vais au club juste parce que pour prendre une adhésion histoire d'aller au club au Hellfest. Ouais. C'est pas que ça. Ouais parce que du coup c'est ça, est-ce que genre l'adhésion, qui est... est-ce qu'elle vaut le coup en se disant qu'on va aller que au Fest? Non. Pour moi, non, parce qu'au pire, c'est prendre la place à quelqu'un qui veut faire plus loin. Voilà, c'est ça, d'accord. Quelque chose tout au long de l'année. Ouais. Voilà. Et là. Quoi là, c'est quoi ce... Bah, c'est le même principe que les passes, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire? Ah, de la vente de. Par des rapport passes. Au public. Non, non, mais ah, après, oui, ça, tu d'accord. Prévois. Ça, c'est, Ah, oui, d'accord, non, tu es encore sur toujours. Le côté. D'accord, je ne ouais. Comprenais pas ce que. Je comprenais pas ton. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Bon, en tout cas, maintenant que c'est complet, bah, c'est un peu mort. Par contre, j'aurais bien aimé faire ça, qu'on en parle avant. Parce que c'est vrai que ça m'a bien donné envie. Bah ouais, ouais du coup. Bah tu le feras peut-être cette année, l'année prochaine. Bah plutôt l'année prochaine, mais ouais. En fait, je m'étais dit, bon, maintenant, comme on est un peu des journalistes, quelque part, on a un média. Je ne sais pas où, mais quelque part. Quelque oui. part, donc c'était plus dans cet esprit-là. Et en fait, c'est quand j'ai vu que c'était quand même 50 boules l'inscription, je dis, ah, ça fait encore 50 euros de plus, tout ça. Donc, ouais. C'est plus le plus du plus qui fait que je l'ai pas. Oui, voilà, bah. C'est vrai qu'en fait, ça aurait été genre juste le. Après, c'est comme si tu prenais un abonnement pour aller faire du foot, tout comme ça. Ouais, donc... mais je viens pas de payer 200 euros de licence il y a 15 jours. Oui. En fait, c'est ça le truc. Et mais bon, c'est un billet de concert, c'est pas. Ah non, mais c'est pas 50 euros que je trouve cher. C'est 50 euros 15 jours après les 200 oui. euros. Quand t'as ça, c'est là que tu te dis que ça ferait un peu machin. Mais puis bon. Enfin, moi, je serre un peu les fesses, hein. Ah bah, oui, tu m'étonnes. C'est pas le choix. Mais du coup, bah, en espérant, tu vas aller à plus d'événements pour l'édition 2018 ou pas? Je vais au moins faire celle que j'ai fait cette année. Ouais, parce que t'avais fait en dehors de celle-là, t'avais fait quelle autre? Donc, bah, y avait au tout début, il y a le. Ça s'appelait le Redneck. Ouais. Donc en fait, ça se passe à Clisson. Mmh. Donc il y a le Hellfest. C'est là que c'est, d'accord. Et c'est. Non, c'est ça en fait, le parking où il y a toute la city. Tu m'avais raconté une histoire là-dessus. Donc c'est juste là. C'est vraiment sur le site en fait. Ouais. Ah cool. En fait on est à côté du site, c'est dans la petite boîte de nuit qui est juste à l'entrée du site, le Luxor. Donc ça se passe là-dedans et c'est super. Ah ouais. C'est DJ Metal, donc DJ Pamli puis DJ Macrock qui était là cette année. Peut-être. Ceux qui font. En fait c'est les DJ qui sont au Metal Corner. D'accord. Ah oui, qui viennent faire le. Voilà, oui, qui oui. Viennent de... c'est, bah, c'est, je les vois jamais, ces mecs-là, moi. Parce qu'à chaque fois, je rentre et je fais. Ouais, non, je suis fatigué, je vais boire. j'ai soif. Ok. T'avais fait cet événement-là et un autre ou... Donc, après, qu'est-ce que je sais plus que j'ai fait d'autre. Après, l'avantage du culte aussi, ce qui est bien, c'est que toi, tu vas faire un concert à machin ou machin. Et bah, tu retrouves des mecs que tu connais. Tu peux rencontrer les cultes. C'est donc, ça. Tu vas pouvoir discuter avec eux plus facilement bah, parce que tu fais partie de. Bah, oui. Et t'as pris la veste? Non, pas encore. Oh, bah alors, c'est. Bah, j'avais dit, oh, je voulais la deux prendre, ans, mais. Quand même, merde. À prendre pour la deuxième année. Bah, quand même. Elle est chère, la veste, par contre. Ouais, elle est pas donnée. Ouais, c'est 90 euros, je crois, un truc comme ça. Un peu plus. Oh, un peu plus, putain. Je crois que c'est 109 ou 119. Bah, j'ai retiré ce que j'ai dit. Tu peux bien ne pas la prendre encore. Tu peux attendre. Ok, bon. Très bien pour ça. Mais elle est sympa. C'est vrai. Bah, elle est sympa parce que, ouais, quand tu fais partie du truc, après. Mais bon, tu te dis au moins. C'est mieux que d'acheter du Adidas. Bah, et donner ça, tu sens bien la bouche neuve, fait en Chine par des petits Chinois. Ah, ça n'a jamais été prouvé. Voilà, ça va, c'est fait par des Pakistanais. À 10 euros. Du coup, est-ce que tu as une. Comment on fait, Bob? Est-ce qu'on parle des anciennes éditions du Hellfest ou est-ce qu'on parle de la nouvelle Avenir? Je te laisse décider. Il y en a une qui vient cette année. Ouais, en 2018. La prochaine, elle arrive. Ouais. Non, parlons des anciennes, tiens. Ah bah tiens, quelle est ton édition favorite de la vie? Oula. Oh, je pense favorite pas qu'il y en ait une très favorite, parce que j'ai quand même pas mal de petits trucs dans chaque festival. T'es assez sympa. On dirait mon meilleur souvenir, c'est ma petite dédicace de mon t-shirt Pantera par Phil Anselmo. Donc c'était en 2013. Oui, ça devait être sympa. Il y en a avec quel groupe? Don. Ah bah oui, je suis con. Ouais. À l'époque. Ah oui, oh, d'accord. C'est il est sympa, Phil. Ouais. Est-ce qu'il était calme? Ah oui. Parce que c'est... On se demande toujours. Justement, avant de faire dédicacer mon t-shirt, j'ai demandé si je pouvais faire dédicacer mon t-shirt au mec qui organisait ça, parce que je voulais pas me prendre une tarte. Bah oui, c'est Phil Anselmo. Ouais. Ça fait un souvenir, mais bon, c'est un peu... Mais non... J'aurais bien voulu lui payer un petit verre de Calva, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est un de mes rêves, tu vois. Lui payer un verre de Calva? Payer un verre de Calva à Phil Anselmo. Oui, il avait un groupe cette année, il avait un groupe de grind. Oui. Ah oui, je sais même pas. Scar ou un truc comme ça, non? Non. Scour. Scour. Ouais. Scour. Non. Mais ça se prononce pas comme ça. Non. Scour. Scour ou je sais pas quoi. Scour. Black metal, je crois. C'est pas du grind. Je crois que c'est du black. Mais je crois que ouais, t'as raison. Ah bah peut-être. Il fait tout. Bon, il a eu pas de peinture sur la tête, mais. C'est vrai. On l'aura reconnu de toute façon. Oui. Ouais, non. Ou alors c'est cette année qu'il est. Non, c'est l'année dernière qu'il est pas venu. Là, oui, parce qu'il y a eu la polémique avec son. Petite polémique de racisme. Et trop loin, il vient tous les ans. C'est ça, ouais, tous ses groupes. Il vient avec Slayer, ils ont dans le même bus. c'est ça. Ils font un seul bus. C'est beaucoup plus facile. Covoiturage. C'est ça. Slayer vient avec un seul bus ou un bus par Musicos? Ah bah alors là, bah ça va. À mon avis, il y a au moins un bus pour Kerry King et un bus pour les autres. Ah, tu crois? Ça lui ressemble pas au vieux Kerry. Du coup, donc ton meilleur moment, c'était celui-là. Très bien. Est-ce que t'as quand même des éditions que t'as pas du tout aimé? Non. Non, toi, t'es vraiment le... C'est que je viens profiter du moment. D'accord. Cool. Et ouais, c'était en quelle année qu'il y avait la pluie? 2007, je crois. Non, 2009. La grosse pluie, non, c'est autrement en 2012 et en 2013, on a eu de la flotte. Les petits orages. Bah, juste avant Lamb of God, ouais, c'était 2012. 2012, ouais, il y a une pissée pas possible. Et Ozzy Osbourne ou Doug Osbourne. Bah, juste avant, en fait. Il avait plu, il pleuvait pendant Ozzy Osbourne. T'avais Ozzy qui était venu, moi j'attendais Lamb of God. En 2011, apparemment, selon le poster, en 2011. Ozzy Osbourne, c'était en 2011. Non, il est revenu en 2012. Ouais. 2012 et en 2013, il était venu avec c'était Black Sabbath et le bassiste. Non, Tommy Lomi pouvait pas parce qu'il avait son cancer à la gorge. C'est cancer. Et c'était Black Sabbath et Friend. Et 2012, c'était Ozzy and Friend. Ouais. À 2012 ou 2013? 2012. Ouais, je me rappelle plus. Avec Zach Wilde. Il y avait Zach Wilde et je me rappelle que justement il avait joué avec Zach Wilde, Slash et Ozzy Osbourne sur la même scène, ouais. Ça c'était historique. Là ça devait être sympa, ouais. Mm. C'était historique. Et c'est là je l'ai vu, je me suis dit putain sérieux quoi, mais Ozzy arrête quoi. Il se déplaçait mais comme un vieux, il manquait plus que le déambulateur quoi. Mm. Et moi j'attendais Lamb of God et c'est là qu'il s'est mis à pisser. Ah c'est ça, ouais. Ah bah oui, 2012. Mm, d'accord. Non, parce que tu m'avais parlé d'une édition où il pleuvait tout le temps, c'est ça. Ouais, la grosse pluie, je crois que c'était 2000... C'est pas 2007. Je crois que c'est 2007. Moi, je crois que c'est 2007 dans mon... C'est quand il tourne. Christophe, justement, celui qui le fait tous les ans, qui a vraiment fait tout, lui, depuis le Fury Fest 2004 jusqu'à maintenant, il a fait toutes les éditions. Wow. Et il m'a dit, c'est la pire, il a fallu qu'il rentre chez lui le vendredi, quoi. Carrément. Le vendredi même? Ouais, il est rentré le vendredi parce qu'il voyait que ça allait rester tout le week-end comme ça, apparemment. Ah, oui, il m'a dit qu'il est parti. Et ça, t'as envie de pleurer quand même. Ah bah, c'est ce qu'il m'a dit, ouais. Surtout lui, en plus, qui est un gros fan du Hellfest. Et vraiment, est-ce que c'est lui qui va voir toujours le groupe de la... Slayer. Ah, Slayer. Non, Slayer. Slayer, il y a... Terror, Terror. C'est voilà. Ça, c'est lui. Bah, c'est à côté tombé, t'es tombé pile poil sur lui il y a 3 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Par hasard, il se croise. Il s'est pété deux côtes sur Terror, d'ailleurs. Ok. Cool. Du coup, alors, on parle pronostic un petit peu? Oula! Ouais, il faut y aller dans les pronostics. De petites envies, plutôt. Les pronostics, les Maiden, je pense. Ouais, ils en ont parlé. Ouais, ouais, je pense aussi. Moi, je vois Europe. Europe aussi. Ouais. Ah, j'ai écouté leur dernier album, il est vraiment sympa. Ouais, et le mec, il vient me parler de Trivium. Ouais, là, je m'en doutais. Parce que je m'en doutais. Europe, tu vois, ils ont fait de la musique pour ados dans les années 80. Mais maintenant, ils font de la musique d'adultes. C'est vrai. Alors que Trivium, ils faisaient de la musique d'adultes. On a dit qu'on en parlait maintenant. Et maintenant, ils font de la musique d'ados. Mais dans 30 ans, Trivium fera de la musique pour... Mais je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Et je trouve que vous. Europe, d'accord. Moi, je pense qu'il y aura Trivium, il y a des chances. Oui, aussi. Tu serais pas bon en débat, en fait. Si, mais j'ai pas envie de. Ah oui, d'accord. J'ai pas envie de trop. Je veux bien débattre, mais. Ouais. Ouais, bon, bien sûr. Il a pas écouté l'album, je sais pas pourquoi on parle. Ouais, je sens. S'il y avait. Ah, il pourrait y avoir le retour de Manson. Oui, ouais, avec son nouvel album. Tu l'avais vu il y a 3 ans. Je crois que j'ai regardé de loin, mais une musique et je suis parti. Ah, c'était à chier. Ah, c'était pas bien. Et je sais même pas ce que je allais faire. Boire. Ouais, c'est ça. Quand tu vas pas voir de la musique ou enfin, écouter de la musique et voir le concert, tu vas boire. C'était en quelle année ça? C'était en 2015. 2015, ouais. Sur un main stage 1. D'ailleurs, faut que je. Non, c'était un main stage 2. Ah oui, pardon, main stage 2, tu as raison. Oui, parce qu'ils sont inversés. C'est ça, excusez-moi. Mais qui est-ce qui joue en même temps? Je sais pas. Te dire. Bah, pas en même temps après. Non, mais en même temps sur les autres scènes. Sur les autres scènes, ouais. Bah, et pas Ark Enemy. Bah, je ne sais pas. Ça aurait bien été Ark Enemy, tu vois. Mais je suis pas sûr. Peut-être. Je ne sais pas. Non, on ne le sait. Enfin, si, il faudra sortir le running order. Regarder, quoi. Puis... Donc, ça, je vais peut-être aller à Metal Corner. Alors, c'est bon, ça fait. Tu repars des fois jusque là-bas? Surtout quand c'est en fin de journée, ouais. Quand c'est la fin du. Ouais, non, non, ça mais arrive, dans même la pas, journée. Bah, il fermait la journée, je crois. Le soir, enfin, ouais. Il fermait la journée, Manson. Parce qu'en général, ça finit toujours par. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Donc, oui, à mon avis, je suis. T'es sûr, je suis parti. Non, mais bref, il a une attitude de merde. Enfin, bref, on l'a déjà dit, machin. On va pas... ouais, du coup, moi, je pense que Manson peut revenir. Bon, bah, il y aura Phil Anselmo avec un de ses nouveaux groupes. Oui, voilà. Pense, qui fera éventuellement du folklore pagan, ah, bah peut-être tiens, cette année. On parle de ça, pourquoi pas Don? Ça fait longtemps qu'ils sont pas venus. Est-ce ça qu'ils veulent encore 2013, jouer avec? Oui. Ouais. Bah, après, ouais, c'est la voix. Peut-être Don, hein, peut-être. On pourrait avoir un retour de Cavalera Conspiracy. Ouais. Qui cette fois jouerait vraiment leur morceau, pas comme il y a 2 ans. Ou 3 ans, je sais plus. Je verrais bien Corrosion of Conformity. Ah ouais. Peut-être. Ah, Hellier. Allié, ouais. J'aimerais bien revenir. Ouais. Bah, je les ai jamais vus encore, moi. Ils sont passés en 2012. Ça devait être sympa, non? 2012 et 2013. Vu, j'aurais bien aimé les voir. Là. 2013 ou 2012, je sais plus. Ouais. Je les ai loupés. Ah, c'était donc, en 2013 et 2012, c'était quand Phil Anselmo était là. Ah, oui. Don jouait le samedi et Allié jouait le vendredi. Je verrais bien A Perfect Circle. Comme je te disais qu'ils ont sorti une chanson, ils ont sorti un truc peut-être. Et que tout ne viendra pas vraisemblablement. Non, l'instant, donc, ouais, c'est étrange. Mais... Comme il est Ménard, il est déjà venu avec son groupe il y a 2 ans. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Meublé, les gars. Je meuble ou pas? Ouais, c'était sous la vallée. Pucifer. Ah, Pucifer, que j'avais pas été voir. T'avais pas été à vue des catcheurs. Ouais, ouais. Les Mexicains. J'ai rien contre les Mexicains, c'est plus le côté chaud, bizarre qui m'a. Mais c'est la musique, j'ai essayé de. Tiens, et du coup, j'avais une question parce que moi, j'ai lancé une théorie et je trouve que les groupes qui passent en. Parce que toi, je sais que. Enfin, est-ce que. D'ailleurs, faisons les choses dans l'ordre et apprenons à parler avec moi-même. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as une scène favorite au Fest? Pas spécialement. Après, c'est vrai que je vais souvent soit à la Warzone, soit le main stage. Je vais un peu moins sous la vallée, ou les Temple et Altar. Et Altar. Parce que je suis moins black metal, death metal. Grind metal. Voilà. Et parle bien du grind. Ouais. J'ai eu des bonnes surprises. Mais t'es un nouveau, toi, moi. Je suis un grind 2. Je vais voir des fois des concerts là, dans ces hangars, parce que je dirais que c'est des hangars maintenant. Je vais. Bon, un ou deux concerts dans le week-end, mais pas plus. Est-ce que t'as pas trouvé que le vendredi de cette année, le son était un peu trop fort? T'as pas marqué? Non. Sous la vallée? Bah oui, mais qu'on entendait bien en fait. Ouais, on entendait tout. T'as pas été voir Alstorm? Non. T'aimes pas? Ah, attends. Ah. Je suis peut-être passé, mais le vendredi soir, j'étais tellement HS. Ah, la fatigue. Hein. Que j'ai dormi sur pas mal de groupes. En fait, ce que je faisais, je faisais un quart d'heure à regarder, puis après je me posais, je dormais. Je me réveillais. pour regarder un autre concert. Ah ouais, toi tu dors sur le fest. Ouais. En voilà. Ah, parce que j'étais tellement HS. J'étais tellement HS que fallait que je dorme. Ah bah. Donc c'était au moment du vendredi. Ça. Bah c'était en même temps qu'In Flames, c'était vendredi. C'est, ça fermait en fait. Ça fermait. Il y a eu Rob Zombie. Ah, Rob Zombie et après Alstom. Et j'ai fait le truc avec Sabaton aussi. Ils sont endormis devant. T'as été voir Sabaton. Ah, oh, Sabaton, c'est le groupe de la vie, ça. C'est le groupe du char. Justement, ouais. C'est un groupe cette année sans plus, quoi. C'est le groupe de World of Tank, faut aimer les jeux de char. Mais c'est gay, hein, comme musique. C'est peut-être le groupe qui m'a plus déçu dans le week-end, ouais. Ah, voilà, tu vois. Voilà. Moi, je suis pas fan. Il en faut un. Je suis pas fan de tout ce qu'il y a avec la base de char et de synthé. Allez, synthé, ouais. Europe, non. Europe, il y a moins de char. Ouais, mais il y a du synthé. Moins de char. Oui, c'est vrai. Il faut un juste équilibre. C'est ça. Et, voilà, faut tout pas à fait. Tout, C'est comme Dimmu's Borgir. Oui, c'est pareil. C'est ça. J'ai raconté cette histoire. C'est à l'époque où j'avais zéro connaissance en black metal. Ils étaient passés à Nulle Part Ailleurs. Oui, c'est possible. Ouais. Dimmu's Borgir. Et ils ont, joué, ils ont joué un truc. Et une fois que c'était terminé, les présentateurs, ils ont dit voilà, ils nous ont joué deux morceaux. Et moi, j'en avais entendu qu'un. J'ai fait quoi, il y avait deux morceaux là? J'avais l'impression que c'était un changement de tempo, pas un autre morceau. Voilà, c'était pour la blague. Voilà. Petite anecdote qui vaut bien mieux. J'avais vu Slipknot, moi, au tout premier album. Oui, je l'avais vu aussi, ouais. Un groupe que je verrais bien aussi, Misanthrope. Je sais pas pourquoi. Ah, ouais. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Peut-être. Mais il est mort, Jean-Baptiste. Même Lootblast. Pourquoi pas aussi. Ah, Lootblast, je les ai vus. Il y a longtemps que je les ai vus. Ouais, et ils sont d'ailleurs ce week-end. Ils sont conquérants du fest. Justement, Misanthrope aussi. Ah oui, d'accord. Ah ben voilà. C'est pour ça que je me disais. C'est l'occasion. Bah voilà. Et d'ailleurs, petit aparté, il y a toujours un concert demain au Bazar de Saint-Lô. Ouais. De Missing Mile et de l'autre groupe de Doom. Ça parle de Mars, je crois. Ah oui, Mars. Prophet of Mars. Prophet of Mars, ça c'est stylé, ça je dépose le nom direct. Prophet. Je ne sais plus, c'est un groupe de doom suédois en tout cas. Ouais, qui sont perdus parce que pour arriver voilà, c'est ça. Au bazar, faut quand même. Bah, ils veulent un petit peu de chaleur, alors ils viennent en Normandie, tout simplement. Ils viennent en Normandie. Oui, c'est ce que je viens de dire. J'ai compris, au Normandie. Non, ils viennent en Normandie. Et bah, c'est ce qu'est-ce que j'ai dit. Ils viennent au bazar en Normandie. Voilà, là c'est bon, la phrase est bonne. Ah, je ferai un cut. Oui, il y a un autre truc, faut que tu saches, on ne fait jamais de cut en fait. Non, on ne cut jamais. Voilà, sauf okay. Si c'est vraiment une boulette de dit, mais c'est très très rare. Et on parle de métal aussi, il y a Nostromo qui passe samedi soir à Caen. Là, samedi soir là ouais, ah oui, avec en première partie Explicit Silence. Ouais. Ah, tu vois. Bon, c'est une date un peu couillon parce qu'il y a deux scènes métal dans le même week-end. Temps, c'est dommage. C'est un peu dommage. Ouais. C'est vrai, surtout. Moi, Nostromo, je connais pas bien, mais il paraît que c'est très très bien. Bah, c'est bien bourrin, quoi. Ouais. Bah, Explicit Silence, un peu aussi, du coup, ça tombe bien. D'ailleurs, il y a le batteur de Head Charger dans Explicit Silence. Très bon groupe de la région. Oui. Explicit Silence. Oui. Ah, c'est vrai, ils sont bons, Explicit. Du coup, alors voilà, on est ce qu'on a fini les pronostics. Ah si, voilà, je voulais revenir sur un truc. Est-ce que toi, les main stage, bon, tu kiffes pour l'ambiance et tout, est-ce que t'as pas l'impression des fois que le son merde et qu'on perd un peu de l'intensité du concert? Alors du coup, si tu vas pas... Ouais, mais ça dépend aussi où t'es situé. Et puis le problème, c'est des concerts en plein air, il suffit qu'il y ait un courant d'air, une brise de vent, ça te modifie tout le son. Et ça, c'est pas évident pour les technicos. Non, ça, je me dis que les technicos, mais c'est pour ça que des fois, j'ai remarqué que sous la vallée ou Altar, ça te permet ou Temple, ça te permet d'avoir un meilleur rendu, en fait, de l'ambiance. Tu vois, par exemple, Ultra Vomit. Je sais pas, pourtant, moi, je trouve que sous ces hangars-là, je trouve quand même que le son est plus brouillon que sur les... Ah, ça dépend. La vallée, le son est propre. Ah, il est très bon, le son. La vallée, c'est très, très bon. Oui, la vallée, c'est peut-être le plus... Sauf le vendredi soir. Ouais. Quand il y a Red Fang qui passe. Après, pour Temple et Altar... Ah ouais. Ouais, Red Fang, ouais. Ah bon, c'était n'importe quoi. Je suis sorti. Ah, je trouvais le son, j'étais sur les côtés, je trouvais le son pourri. Le son, Red Fang était haché. Ultra fort, quoi. Quand j'écoute de la musique en CD ou tout de Red Fang, oui, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Il y a du volume, mais là, c'était hyper aigu, je sais pas, le son était vraiment dégueu. Ouais, non, ça, le son était pas bon. On est sorti, nous. Ouais. Tellement j'étais content de les voir, j'ai fait 10 minutes. Ouais, c'est ça, mais après... 10 minutes d'un quart d'heure, je suis parti, je fais merde. Il paraît qu'il fallait être au centre, en fait, pour avoir un son à peu près propre. Mais tu vois, on était à gauche, tu vois, et du coup... Mais Red Fang, il y a 2 ans, sur les main stage, ça n'allait pas non plus. Hein. La seule fois où j'ai vu Red Fang en très bien... 2011. Je crois que c'était Tagalak. Ouais, ils sont marqués en blanc, à côté de Pain of Salvation. Et Viantor, je kifferais les revoir. En fait, ce groupe-là avait fait. Ils avaient joué au Metal Corner. Ah ouais ? Ouais, ils avaient joué au Metal Corner l'année d'avant, alors je ne sais plus quand. Bah, ça devait être en 2010. Ne fais pas ça. Non, c'est pas. Et du coup, ça a tellement plu, apparemment, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, qu'ils ont joué en main stage l'année d'après. Quoi. D'accord. Et bim ! Donc voilà. T'as vu, il y avait encore Dagoba. Et, hey Mais ouais, non, vraiment, la meilleure année, c'était cette année-là. Quoi. Ils étaient sous la vallée. Et c'est là que je les ai découverts, en fait, vraiment cette année-là, que j'ai découvert Fat Fang. C'était pas la vallée, c'était la Rockard. La Rockard, qui était une très très bonne tente. D'ailleurs, j'ai écouté tout à l'heure le dernier album de Cadavar. Il est beaucoup plus psyché, je trouve. Ouais, plus 70s. Ouais, ouais. Ouais, c'est un peu ce qu'on... Et je pense... Die, baby, die. Je pense que ces gens-là prennent de la drogue. Tu crois? Non, je pense. J'aime pas juger les gens comme ça, mais je pense qu'ils prennent de la drogue. Non. Et qu'ils auront leur place sous la vallée assurée. Quel genre de drogue aussi? Bah, je pense qu'ils prennent beaucoup de choses. De ce que j'ai écouté, j'ai dit, ils ont été loin. Je pense qu'avant, ils fumaient un peu, ils prenaient... Non, je pense qu'ils ont été un peu plus loin dans l'expérimentation. Bah après, c'est tout à leur honneur, j'aime bien leur musique, moi, ils font des... Mais là, je trouve que c'est vraiment... Ouais, c'est psyché, ouais. C'est psyché, même le clip de Die Baby Die, quoi, tu vois bien qu'il y a un truc... Enfin, tu vois bien. J'ai l'impression d'écouter du Jefferson Airplane au masculin, tu vois, vraiment... Enfin, un peu. J'ai l'impression de revivre la semaine dernière. Parce que c'est oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que mais non, mais pour dire, voilà, quoi, c'est... Mais ouais, c'est... ils sont plus... Moins rock, enfin je sais pas, il y a un truc, ouais, mais ouais, après, c'est vrai que plus, Berlin était un peu plus. Plus rock. Plus rock, voilà, plus rock, c'est ça. Plus, ouais. Bah, un peu plus stoner, mais. Ouais, moins, bah ouais. Bah, moins psyché, ça se rapprochait ouais. Plus, ouais, du son actuel, on va dire. C'est ça. Donc on a fait un petit peu. Bah, ça, j'avais pas dit la semaine dernière. C'est vrai. C'est nouveau, Lilon. Ça, c'est un truc de dingue. Classe. Ah, on se renouvelle tellement. Du coup, on a fait un peu le tour. Bon, on est tous d'accord, il n'y aura pas Machine Head. Hein. C'est un terrain, ah, ils ne viendront plus jamais. Non, c'est fini. Par contre, en mars, tu y vas? Oui, je vais les voir. Mais nous aussi, on y va. Ouais. Super. Road to Hellfest sera au 106. Exact. Et j'aimerais bien aller aussi. Bataclan me botte bien aussi. Et ils font le Bataclan, j'ai même pas vu. Ouais, ils font le samedi, en fait, le Bataclan. Ah, carrément. Donc, tu voudrais faire les... Bah, ah ouais, donc c'est le jeudi. Pour avoir déjà été au Bataclan, pour aller voir Lamb of God. Putain de salle, et Machine Head, ça peut être bien dépoté là-bas. C'est vrai. Après, bon, Machine Head, c'est quand même 2h30 de concert. On a été voir l'année dernière, qu'on a tourné, on a été voir au Trianon. C'était énorme. Moi, ça me fait de plus en plus peur cette date, tout ce que j'entends. Qu'est-ce que t'as... Ah, t'es content ou t'as mangé un truc? Ah oui, d'accord. Parce que tu t'as serré le poing. J'ai les dents qui ont ripé. Ah merde! Ça fait comme ça. Ouais, ça s'arrête. Ok, bon, bah du coup, très très bien. Je pense que c'est bon pour les pronostics. Vous avez un autre groupe à nous sortir de derrière les fagots, un truc Oh bah après, si je verrais bien Orange Goblin, Mastodon. Ouais, ah Mastodon, ouais. Faut que j'arrive à les voir la bande, c'est 4. T'as jamais vu? Si, je les ai vus, mon premier concert de métal, toi. Ah. C'était à Bercy. T'as vu Mastodon? En tête d'affiche? Non. Ah. Non, tête d'affiche, c'était Slipknot. Ah, sur Mastodon en première partie? Mastodon, Machine Head, Slayer. Mastodon ou Mastodon? Pour se mettre d'accord, Mastodon, ouais. Mais c'était quoi ce concert? Ah, ça devait être. C'était en 2004 ou 2006. Ah, c'est une espèce de mini fest. J'avais vu, ouais, moi il y avait. À l'époque où Dimebag était encore de ce monde, il y avait un petit fest comme ça avec pas mal de groupes. Ah, il y avait un truc qui s'appelait le Tattoo the Earth. Ah, je sais plus ce que c'était. Tattoo Planet, mais c'était à l'époque où Pantera était prévu. C'était en 2001, ils sont pas venus. Ouais, ils sont pas venus parce que c'était. Moi je les ai vus, bah ça reste dans le même principe et c'était. Oui, non, mais ça me dit quelque chose, qu'ils ont même sorti en un CD en 2004 ou 2005, je sais plus. Parce que moi, j'y étais au Tattoo the Earth ou Tattoo the Planet, la version française, et donc du coup, il y avait des gros encarts marqués bah, Pantera sera pas là parce qu'ils ont pas eu peur à cause des attentats. Et Slayer était venu. Il y avait même un groupe français. Mais il y avait Machine Head qui était là aussi, je crois, à ce concert-là. Je crois, ouais. Il y avait Cradle of Filth qui était là. Ouais. Je me demande si c'est pas cette année-là, justement, s'il y avait Cradle. Il y avait Cradle et moi j'étais dans les gradins en train de bouffer pendant ce temps et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprenais pas ce que j'étais en train de voir. Parce que je vivais ça, surtout. C'est peut-être un des pires groupes que j'ai pu voir au Hellfest. Bah, justement, il s'était passé en 2009, le samedi. Il passe souvent à Cradle. Ouais, et j'aimais bien l'album. Mais c'est sympa à écouter. Mais en live, c'est. Voilà. Ah bah faut kiffer. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Et du coup, dans ce concert-là, il y avait aussi Massisteria qui était là. Parce qu'il y avait Massisteria, après il y avait Slayer. Et il y avait un groupe français qui a disparu depuis, qui était très peu connu, qui s'appelait Arsenic. Et ça te dit quelque chose. Ouais, c'est un groupe de l'époque de Playmo et tout ça. Ouais. Et le chanteur, il était trop content d'être là en fait. Il a tourné sur lui-même. C'était moi, il était content. Je pensais jamais jouer à Merci. Oui, le batteur est parti après jouer dans Lofofora. Ouais, peut-être. Et c'était. Mais leur musique était pas bien déjà, Arsenic. Mais enfin. Lui, il était trop. En fait, il devait remplacer un groupe américain qui était pas venu. Bon, je me demande s'il y avait pas Static X aussi ce jour-là. Parce que j'ai vu Static X et. Putain, je voulais aller les voir quand ils sont passés au fest. Quoi, Static X ? Ouais. C'était bien. Putain, avant. Si j'avais prévu aussi. Ils pourraient prévenir aussi les mecs, quoi. Quand ils... Bah, il y a eu un double drame. Hein, genre, d'abord le guitariste qui a un petit peu merdé avec des jeunes filles. Puis après, ou jeune homme, je ne sais pas qui l'a merdé. Mec, des gens jeunes en tout cas. Et puis le chanteur qui était fatigué de la vie. Hein, qui... C'est ça. D'ailleurs, puis le bassiste. Je ne sais plus comment il s'appelle, qui a quand même cassé le groupe parce qu'il ne voulait pas que Wayne Static utilise le nom du groupe. À cause des droits. C'est pour ça que le groupe Wayne Static s'est arrêté. C'est à cause du bassiste qui a joué avec Mascavalera dans son fly. Mais les gens sont toujours en train de. Mais c'est ça. Nous, on veut juste écouter de la musique. Mais ouais, putain, les gars, quoi. Non, voilà, c'est ça la vraie raison pourquoi Wayne Static ne pouvait pas refaire du. Vrai qu'à Static X. C'est dommage. C'était vachement bien en live. Et justement, ce bassiste-là, comme j'ai perdu son nom, il joue avec un groupe qui pourrait passer au Hellfest aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Non, mais on peut regarder. Et, j'en parlais la semaine dernière. Est-ce que tu connais le groupe le groupe que tu m'as conseillé, là, qu'on a parlé la semaine dernière, avec Mastodon et tout ça. Killer Be Kill. Ouais, tu connais ou pas Killer Be Kill? Non. Que c'est mon Slayer, Cradle of Filth, Static X. Ouais, bah c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais. C'est qu'est-ce que j'avais dit, hein. Oui, le. T'as entendu Killer Be Killed ? Be Killed. Non. Eh ben, dedans, t'as. Vas-y, je te laisse en parler pendant que je fais la recherche. Bah, t'as plein de mecs qui font de la musique. Avec des instruments et tout. Musique, c'est génial. De la musique violente. De la musique violente. Et ça se rapproche un peu du métal. D'accord. Ouais. Donc c'est pas du métal, vu que c'est violent. C'est du métal, mais comment dire... Tony Campos. Ah, Tony Campos. Ouais, t'as retrouvé ça. Mais de mémoire. De mémoire sur mon téléphone. Parce que je suis un mec du téléphone. Ouais, c'est et ça. Et donc ce groupe... Et donc, c'est un super groupe, en fait. Mais c'est... On en a pas déjà parlé. On en a parlé, mais parce que s'il connaît pas, il pourra repartir. Ouais, mais t'as pas écouté le podcast la semaine dernière. Il a pas eu le temps. Donc, ce super groupe est composé justement de Troy Sanders. Alors après, les noms. Troy Sanders de Mastodon. Bassiste, chanteur principal, on va dire, de Mastodon. Donc, t'as Greg Pucciato, de. Chanteur de. De. Ah! Alors. Hein, tu sais, le groupe que s'est arrêté, c'était leur dernier. Dillinger. Voilà, putain, la vache. Je vais y arriver. Max Cavalera. D'accord. Un petit ah oui, j'en ai entendu parler il y a 3-4 ans. Batteur de un peu tout le monde. C'est ça, c'était il y a 3-4 ans que c'est sorti. Et c'est excellent. C'est un peu l'épine du pied quand même, Max Cavalera. Désolé. Mais il passe bien. Non, ça passe vraiment super bien. Non, il passe bien. Ah ouais, non, c'est vraiment. Mais il chante ou pas là-dedans? Ouais. Ah d'accord. Et en fait, ils ont dans le groupe. Voilà, chacun un registre vraiment. Propre à oui, c'est le bassiste en fait. De Mastodon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, vraiment, en fait, dans un même morceau, tu retrouves des éléments de chaque groupe. Ouais, et ça se match super bien. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Vraiment, c'est. Alors, si, il y a le groupe. Ok, Joey Jordison. Ah oui. Avec, le mec de Dragon Force. Ouais, avec Loot Blast aussi. Avec le guitariste de Loot Blast. Ouais. Attendez, ma mémoire va me revenir. Ça pourrait arriver qu'il vienne jouer, ouais. Bah, ça, Permien. 280 millions d'années avant nos jours. Mais complètement. Cynognathus, un reptile mammélien. Mais tout à fait. Eh oui, il a pourtant plus l'aspect d'un mammifère que d'un reptile. Environ 2 mètres de long, des pattes près du corps, probablement poilu. Wow. Probablement à sang chaud. Est-ce qu'on est dans un probablement, on est un petit peu... Peut-être pourrait-il pondre des œufs. Bah écoute, peut-être. Le Permien. Cinzaneum. Sinsaneum, il y a une voyelle, une console. Épelle-le que les gens profitent. Alors, Sin, Sae, Neum. D'accord, super. Je sais pas comment vous le dites, vous, ça, les gars. Qui c'est qui est lettré dans la bande, là ? Moi, je suis très lettré. Cinsaneum. Ah bah c'est qu'est-ce que j'ai dit. C'est ça. Cinsaneum. Nenum. Cinsaneum. Nenum. Enfin voilà. Après, moi, ce que j'ai entendu m'a pas spécialement... Bah après, c'est des super groupes, quoi. Ah ouais, mais non, mais je trouve que... Enfin, vraiment, il faudrait que t'écoutes Killer Be Kill, tu verras que c'est une vraie entité. Ouais, non, ils ont vraiment... Là, on est vraiment sur quelque chose de bien. Troy Sanders s'était déjà essayé avec... Je vais plus me rappeler. Patrick. J'ai acheté un... Non. Avec Patrick. Il était pas avec Patrick. Juvé. Peut-être, je sais pas. C'est ça. Où sont les femmes, tout ça. Non, c'était... Ils avaient un groupe... Putain, il avait formé un... J'ai acheté un album en plus. Trop con. Et je n'ai plus le nom. Enfin, je vous redirai ça. De quoi tu peux... J'ai pas écouté, en fait. Tu peux répéter. Ouais. Putain, t'es tellement pas intéressant. Non, en fait, c'est justement Troy Sanders. C'était ce que je disais. Essayer à faire un super groupe. Il a sorti deux albums ou trois albums avec ce super groupe, justement. Et je n'ai plus ce nom. Mais je le redonnerai. J'ai un album. Espérant qu'on ait d'autres émissions. Oui, c'est ça. Bah heureusement qu'on marche pas à l'audience quoi. Heureusement qu'on marche à rien. Oui c'est spécial. Ça. Si on marche au bonbon. Au bonbon ouais. Du sucre et du sucre. Et à la bière. Exact. Du coup, on a fait un petit peu le tour de cette édition, donc on n'a pas du tout les noms encore pour l'instant. D'ailleurs, tu prépares comment toi une édition à venir? Est-ce que tu vas vraiment chercher tous les groupes que tu connais pas? Ou t'en cherches 2-3 et puis tu... Non, moi j'essaie de faire le tour quand même, sur moi, sur les scènes qui m'intéressent déjà. Ouais. J'essaie de faire le tour. D'accord. Pour voir ou pas s'il y a des trucs qui vont m'intéresser, me dire tiens, ça faut pas que je le rate ou pas. Parce qu'après ça dépend des horaires aussi. Et ouais, mais t'arrives à faire ça ou pas? Genre, oui. Parce que nous on arrive à chaque fois. Genre Primus. Ouais, mais Primus il passait un horaire encore, c'était facile. Ouais. Non, qu'est-ce que je voulais voir comme ça le matin? Bah Avatar. Qui était quand même assez tôt dans la journée. Ça devait être à midi et demi, 13h, je crois. Ouais, bah justement. C'est tôt dans la journée. Je suis d'accord. Tu sais que c'est la première fois cette année. Après, si, il y avait Mirat, un groupe de Tunisiens. Oui, assez intéressant, qui font... On l'a pas vu, mais oui, je m'en souviens. Qui jouait à 11h30. Donc, c'était bien, fallait aller voir. Ça fait 2 ans de suite. Mais après, c'était le vendredi, donc j'étais encore assez frais. Pour y aller une matin. Écoute, dis-toi que nous, c'est la première année où on a réussi à être là, au premier groupe. Ouais. Ouais. Ah, on a réussi 3 jours. C'est kiffant. Hein. Ouais, on a, parce qu'en fait, du coup, t'as personne. Bah ouais. Donc, du coup, tu peux vraiment bien apprécier les main stage et puis tu tombes sur des petits trucs. Qui on a vu sous la vallée, là, qui est un. Los Dissidentes del Socio Motel. Los Dissidentes del Socio Motel, ouais, qui était très sympa. C'était très sympa. On a vu en la Warzone, espace, on a vu Verbal Razor. Ouais. Qui était très très bien. Ouais. Chanteur complètement. Toi, t'es le micro sur la tête. Et j'ai été surpris. Tu te souviens? Ah non, Armdon, tu l'avais vu ou pas? C'est le dimanche. Ouais. Le mec, le chanteur, il avait des gants de chef de chantier. Ah non, j'ai pas vu ça. Eh ben, moi, non, tu m'en avais parlé. Ouais, je l'ai vu. Et ça m'a... Le mec, il avait vraiment l'air d'être possédé de colère et tout ça. Et il chante en anglais. Et je l'ai vu dans une vidéo cette semaine avec un des mecs de. Merde. De Two Guys TV, là. Que je t'ai montré et il va chez lui pour lui montrer ses dés, l'autre il est tout calme, il parle en fait c'est un français normal, il parle, donc j'ai été super surpris. Mais je t'ai vu, t'es en colère toi Qu'est-ce que t'appelles un français normal? Mais non, mais je veux dire ouais, c'est ça. C'est clair. Je reformule, tu as raison. En fait c'était juste un mec français, voilà, c'est ça. Le normal est normal, j'entends en anglais, je veux dire plutôt calme en fait, pas en colère ni rien, tu vois. Mais tu sais, en fait le truc de base de tous les métalleux en fait sur scène, comme beaucoup c'est la plupart des métalleux, c'est tous des papas ouais. Non mais là c'est il avait pas... Autant je me dis bien que le chanteur de Verbal Razor, il peut pas être comme ça, parce qu'il vraiment il s'est tapé avec colère sur tête. Ça en un seul mot, il fait la même chose. Hein. Mais lui, il est pas réputé pour être calme derrière. Donc, oui. Il est pas... Ouais. C'est rare qu'on dise, ouais, j'ai reçu un mot, vachement calme, t'es filant. Ouais, filant seul mot, il m'a fait un gros câlin. Il est arrivé, peut-être qu'avec Ben Barbeau, il se fait des... C'est vrai qu'en même temps, il... Tiens, toi qui étais au culte, normalement, en faisant partie du culte, vous pouviez avoir accès VIP normalement. Oui, bah après, si tu vois même en gain, il faut payer un peu plus quoi. T'avais même pas accès à la zone VIP? Non. Cette année j'avais accès parce que j'ai payé mon pass VIP. Ah, t'avais pris le premium? Oui. Donc t'as pu aller dans l'accès. Dans l'accès VIP, comme tout le monde. Tu l'as trouvé comment? Par rapport, vu que moi j'avais pris mon pass culte et j'ai pris le VIP, en fait j'ai upgradé mon pass Hellfest par voie à l'accès au VIP. Pour le prix que j'ai payé, ça vaut pas le coup. J'avais le culte, c'était largement suffisant. Moi, je l'ai déjà dit ici, je le redis, j'ai été un peu je n'ai pas trouvé l'esprit métal là-bas, en fait. Des gens qui sont en train de patauger dans la piscine et tout ça. Autant j'ai trouvé l'endroit super côté... classe. Ouais, voilà. J'ai trouvé l'endroit très classe, mais j'ai pas aimé le côté. Les gens, ils sont en train de, tu sais, genre, ils pataugent un peu, puis après, ils y retournent. Je trouvais que ça dénotait un peu, en fait. La bah, ça faisait le petit... Ça faisait carré VIP, la piscine, bah ouais, les gens se baignaient dedans. Voilà, c'est pas... Le côté privilège de la piscine, voilà, ça faisait ça. Surtout les photos après, qu'on a vues, nous, petites gens. Ce qui est bien, c'est que ça te permet de te reposer un peu ça, c'est tranquille. Ouais, là, c'est vrai. Après, l'accès au bar est aussi long que le bar sur le concert. Quasiment, ouais, quasiment maintenant. Ouais. À part si tu veux te choper un verre de Jack, parce que t'as des, tu peux choper du Jack. Tu peux choper du Jack, ça c'est stylé. Mais ouais. Autrement, on va dire qu'on voit des artistes spécialement. Les seuls artistes que j'ai vus, c'était les Ramoneurs du Menhir. Je les ai vus aussi, ouais. Après, j'ai sans doute croisé des artistes, mais après, en sans plus, leur maquillage. Je sais pas les groupes. C'est ça. Non, mais c'est vrai, il y a des mecs que j'ai croisés. Je me dis, putain, je suis sûr que ça fait partie d'un groupe, mais il a pas. Bah oui, c'est ça. Tu vois, peut-être les mecs mais de voilà. Bots ou un truc comme ça. Ouais. Moi. Ou de Belfegor, plutôt. Moi, l'accès que j'ai, bah, vu que j'ai seulement pour la grappe des mon passe, ça valait pas le coup. D'accord. Donc, je leur ferai pas, mais fallait, je voulais le voir. Je voulais voir autre chose que du festival. Ok. D'accord. Bah, et du coup, ça, en plus, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est voir le côté VIP juste pour se dire, voilà, mais pas s'amuser à dire, ah, faut absolument que j'aille. C'est, voilà, voir aussi. Après, moi, j'aimerais vraiment avoir accès, c'est vraiment accès sur la grande terrasse, derrière les scènes. C'est vrai. Moi, voir comment ça se passe, ça, c'est intéressant. Je pense, ouais. Bah, voir comment ça se passe quand les artistes bloquent pas les scènes aussi. Ça se passe bien. Ouais. Même l'organisation derrière, elle doit être un peu dingo. Méga millimétré. Du coup, je voulais dire un truc, et puis entre deux, j'ai zappé parce que. Bah, tu mangeais ton réglisse. Je mangeais mon réglisse et j'ai dit millimétré. Qui n'est pas assez simple. Millimétré. Millimétré. Ah, millimétré. Donc, t'as repris le cul, mais tu l'as pas upgradé cette fois ? Non, je vais pas l'upgrader. Non, d'accord. Mais vous aviez pas. Non, je pensais qu'il y avait justement un accès aussi dans les. Sur scène pour voir les groupes et tout ça. Non. C'est ce que j'avais cru comprendre. Non, en fait, bah, au cult, après, quand tu fais partie du cult, quand tu fais des achats sur le site du Hellfest Shop, donc c'est-à-dire que tous tes achats que tu vas faire vont être répertoriés sur une banque de données et ça va te faire des points. Tant de nombre de points, et bah, tu auras le droit à une visite. Tu auras juste le droit à la visite du Hellfest. Ah ouais, ça va loin quand même dans le délire. D'accord, ok. Bah, ça fidélise à mort, hein. C'est ça qui est bien. D'accord. Ok, bah, maintenant, je pense qu'il Mais après, l'avantage, c'est que le mec qui va aller sur le site du Hellfest Shop, il fait pas partie du cul, il va faire beaucoup d'achats, il va s'acheter plein de t-shirts, pour rien. Il gagne rien. Il gagne pas. Bon, là, il va pas gagner les points pour aller faire la visite, car c'est que pour les cultes. Ouais, non, mais c'est vraiment le truc du fan club. Ouais, c'est... ok. Oui, bah après, il y a des fan clubs de Britney Spears. Hein. C'est pour ça, non, mais en soi, ça se tient. Club Dorothée, c'est cohérent. Pareil, hein. Mais après, moi, les retours que j'ai eu. On a tous regardé le générique en espérant voir son putain de nom arriver alors qu'on fallait être inscrit. Après, moi, les retours que j'ai eu sur la visite, les personnes qui ont fait la visite, on dit c'est vraiment bien. Ah ouais. Ça te prend 2 bonnes heures, voire 3 bonnes heures de visite totale de tout le derrière. Et ça, c'est un moment unique, c'était vraiment intéressant. Bah, ça doit. Ça doit, c'est clair. Voir tout le truc derrière, c'est clair. Ok. Du coup, je sais aussi, parce que je te connaissais un peu avant ce soir, que tu es souvent bénévole dans des festivals, enfin en l'occurrence un petit festival d'ici et peut-être ailleurs, je sais pas, je connais pas tous les festivals. En dehors de, bah, du festival de Saint-Lô où tu as été bénévole, au Motocultor. Au Motocultor cette année. Et à d'autres festivals ou pas ? Non. D'accord. Donc le Motocultor, tu l'as déjà fait en tant que festivalier ? Motocultor. Pardon, le Motocultor. Le Motocultor, c'est vrai que c'est comme ça que je dois le prononcer normalement. Excuse-moi. Donc le Motocultor. Merci. On n'y a jamais été, nous. Et c'est la grande interrogation. D'accord. Qu'est-ce que ça vaut ? Bah, pour ceux. Moi, je sais. Je vais pas dire parce que j'ai pas connu le Hellfest avant 2009. Donc le petit festival qui a 6 000, 8 000 personnes, 15 000. J'ai pas connu ça, mais tout le monde dit que le Motocultor, c'était le Hellfest d'avant. Ouais, d'accord. Et toi, ton expérience, tu le kiffes comme festival ou... Moi, c'est pas le festival que je peux me dire, je vais y aller tous les ans. Ouais. Parce que, une question d'affiche programmer... ou une question... Ouais, une question d'affiche, déjà. Ouais. Après, cette année, soit je prenais mon pass... cette année, je prenais le pass, soit j'allais c'est bénévole. D'accord, ouais, c'est ça. En fait, c'est un festival que je ferais maintenant peut-être plus tendance à le faire peut-être bénévole que en tant que festivalier. Mais en tant que bénévole, c'est cool comme ambiance ou... Ouais. Ah, oh, il y a des choses qui me... Ah, il hésite, regarde. Il dit, ah merde, on est enregistré. Grand sourire. D'accord, non, mais... T'inquiète, on n'est pas écouté. non, ok, là-bas, arrêtons-nous à la barrière. C'est cool. Non, c'est bien, ouais, faut pas... Non, on parlera de tout ça hors antenne. Voilà, c'est ça. Et nous, on balancera ça la semaine prochaine. Et là, je serai là. Merde, bon, la semaine d'après. La semaine d'après, quand je suis patient, j'ai une bonne mémoire. Bon, bref, donc du coup, toi, est-ce que tu penses que c'est... Je veux dire, quand t'as fait le Hellfest cette année, est-ce que c'est utile d'aller au motoculteur Oui, parce que c'est plus... Au moto... Attends, est-ce que tu penses que c'est utile d'aller au motoculteur? Merci. Alors, j'y tiens. Je suis désolé, mais... Donc, oui. C'était quoi la question? Après, voilà, il faut quand même une affiche qui t'attire. Genre, t'as vu un groupe au Hellfest qui te plaît bien au motoculteur, tu vas le voir un peu différemment, parce que tu seras plus près de la scène. D'accord. Oui, c'est vrai que... Tu vas peut-être parler plus facilement aux personnes au bar. Ouais. Parce que t'as pas 15 000 personnes qui attendent derrière pour prendre un budget de bière. D'accord. C'est un peu plus humain. Ouais, ça a pas encore pris assez de temps. Après, le Hellfest, ça reste quand même humain parce que tu peux discuter avec n'importe qui. Tu peux discuter avec n'importe qui, c'est clair. C'est pas comme ouais, les festoches, Bobo et compagnie, Papillon avec Charlie et compagnie, tu vas discuter avec une personne, il va te regarder, mais t'es qui toi? On a été au Main Square l'année dernière. Ouais. Enfin, cette année, avec, en tant que Road to Hellfest, on a été pour voir System of a Down. Et c'est vrai qu'on avait trouvé que le public était... On a retrouvé des mecs du Hellfest qui nous ont croisé. Ouais, Hellfest. Ouais. Et on... On a trouvé que l'ambiance était très, très, pour le coup, très diversifiée. Très, très, ouais. Mais après, c'est reste Live Nation aussi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est, oui, ça. Oui, c'est ça. Donc, Live Nation, c'est quand même tout... On va dire ce qui est, hein. C'est l'univers bobo, quoi. Un peu. Même le Download Festival, en France, apparemment, c'est bobo. Bah, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Moi, je l'ai fait l'année dernière. Malheureusement. Bah. J'ai pas fait la deuxième édition, j'ai fait la première, c'était un peu ça, mais tu t'as pas en fait tu sens vraiment la vraie particularité du Hellfest, c'est quand même vraiment toute l'imagerie, la scène, toute l'ambiance qu'il y a qui participe en fait à faire que les gens en général les mecs arrivent toujours et vite on met notre t-shirt Hellfest, on est au Hellfest, enfin, puis les gens ils vont là-bas, ils sont positifs automatiquement, ouais. Tout sera positif et mais c'est vrai, et alors que au Download c'est un peu moins ça. Je dirais pas que les mecs étaient négatifs de ça, mais on est plus dans une optique de on fait des concerts, machin, il n'y a pas d'imagerie, il n'y avait rien. L'année dernière, j'ai pas vu la deuxième édition. Comme dans une salle de concert, voilà. Un peu. Et à Arras, c'était un peu ça en fait. C'est-à-dire il n'y avait pas de décor particulier, la ville est très belle, le site était très beau. C'était du caillou. Mais en soi, il n'y avait pas plus de trucs. Et comme on était. On avait chopé des accreds, alors le coin VIP était une tuerie. Il valait pas le côté VIP du Hellfest pour le coup, mais c'était classe. Non, c'était très sympa. C'était très sympa. T'avais envie d'y passer plus de temps, quoi. Ouais. Et System of a Down, c'était pas bien. Ouais, c'est des papis maintenant. Et encore, même des papis sont meilleurs qu'eux. Tu vois une chanson System of a Down et tu vas faire ça, toi. Lever ton bras en l'air comme ça. Allez, les copains. Tu vois, ils ont enchaîné. Ça se trouve, Metallica a fait la même chose. Non, c'est faux, j'y étais, ils l'ont pas fait. À Arras ? Non, à... En gros, il faisait un peu du Patrick Sébastien, quoi. Non, mais en fait... Patrick Bruel, plutôt. Ah ouais. En fait, t'avais vraiment l'impression que le groupe avait un contrat, qu'il devait jouer tant de temps, et qu'ils l'ont rempli comme ça, il n'y avait pas trop d'échanges. C'est ça, maintenant. Vous devez faire 27 morceaux en une heure. J'ai vu quelques lives dernièrement de System, ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas. Ils performent plus sur le côté, entre guillemets, technique du chant et... T'as pas l'impression qu'ils s'amusent, quoi. Mais à part le bassiste, qui est vraiment à donf... Mais c'est ça, c'est complètement ça. Le reste, ça, ils sont là juste pour faire leur prestation. C'est ça, c'est complètement ça. Les autres sont... mais c'est vraiment je dis ça. Pas en festival, à la rigueur, pourquoi pas. Parce que bon, derrière, tu peux te dire qu'il y aura d'autres groupes. Regarde, là, maintenant, aller payer pour un dire, billet de pour concert... Pour dire comment, du fonctionner, système. Comment un peu fonctionne System... Normalement, quand ils ont fait leur live cette année ou l'année dernière à Nîmes, c'était Mass Hysteria qui était censé faire leur première partie. Oui, c'est pas eux qui sont venus au final. Ils ont annulé au dernier moment. Ouais, je crois. Ils ont été remplacés par Orange, je sais pas quoi là. Même pas, je sais même plus c'est qui. Je vais même pas dire, mais c'est pas un groupe qui envoie du pâté. Code Orange. Ouais, Code Orange, je crois. Ouais, c'est ça. Ils ont vu ce que faisait Mass Hysteria. Ils ont dû voir ce que faisait Mass Hysteria en live. Ils ont dû se faire prendre une raclée par les Français, quoi. Ah, mais c'est clair, non, mais. Alors que c'est dommage parce que c'était un groupe que j'avais envie de voir depuis toujours, moi. System. Donc, ouais. Bah, tu les as vus. Bah, moi, System, franchement, c'est pas le groupe qui me dit que je veux les voir. Ah c'est si, juste pour à me leur dire. Début, leurs deux non, premiers albums. Actuellement, si tu veux dire, ouais, maintenant, j'ai vu System. Tu voilà, vas voir juste pour dire, j'ai vu System. Bah, c'est ce qu'on a fait. Bah, c'est exactement ce qu'on s'est dit. En plus. Ouais, c'est exactement ce qu'on s'est dit. On est sorti en disant, tu vas pas voir System pour dire, je veux voir System. Non, mais tu vois, ils ont joué au Download cette année. Bah, franchement. J'aurais pas, je suis pas sûr que j'aurais kiffé en fait de les voir parce que franchement c'est comme non Deep Purple, bah t'as vu Deep Purple, tu vas pas ouais mais Deep Purple, pour voir Deep Purple ouais, mais tu vois Deep Purple si, il est vieux parce que ouais, voilà non, donc, mais tu vas pas dire tiens je vais y voir pour les voir sur scène oui quoi. Mais tu vois la différence d'âge dire, voilà, je vais les voir, et quoi. La différence de carrière entre Deep Purple et System of a Down ouais c'est ça c'est un peu voilà quoi et System of a Down ils ont que ils ont quoi ils ont 5 albums et ils ont combien d'années ils ont 20 ans donc 20 ans. Deep Purple ils ont 40. Non, je crois qu'on peut pas compter, ils sont beaucoup trop vieux. Non, mais tu vois, c'est. Enfin, c'est pas. Regarde même ACDC, ça dépote plus sur scène. Ah, il paraît que ça bouge encore un peu quand même. Oui, justement, ça dépote plus sur scène. Ah, quoi. Oui, ça dépote, voilà, d'accord, c'est ça. T'as regardé Iron Maiden ah, pardon, mais je comprends pas les gens quand tu prends Maiden. Maiden, ça envoie qu'on aime. Dès que tu les vois, ils mettent une claque dans la gueule, tu vois, Bruce Dickinson. C'est pour ça que j'y vais pas, moi. Ouais, parce qu'il a peur d'avoir même pas les claques dans la gueule. Ouais. D'ailleurs, tant que t'es là, Richard, est-ce que tu peux dire à Bob à quel point Massisteria, ils ont tout retourné au Saint-Sauveur du Rock l'année dernière? Ouais. Parce qu'il aime pas Massisteria. Il aime pas Massisteria. Pour moi, c'est un des meilleurs groupes de live que je peux voir. Je fais partie dans des groupes de live, ils dépotent tout. Mais sans cette date-là, moi je les avais vus deux ou trois fois l'année dernière. Ouais, je les avais vus au Download et je les avais vus au Hellfest. C'était la meilleure date, c'était au Saint-Sauveur du Rock. Ils ont, bah ouais, parce qu'au Download, bah, c'est grand et c'était bien, mais c'est le problème des... c'est un petit festival, les Saint-Sauveur. Moi j'avais bien kiffé... C'est un concert, c'est comme un concert. J'avais vraiment, bien kiffé Massisteria, c'était en 2013 quand ils sont passés, je crois. Moi, je les avais vus à Briouze. J'avais adoré. Ah, Briouze, mais c'était la même année. Quoi ? Je les avais adorés à Briouze. Ah, Briouze, mais bien. T'avais bien aimé Massisteria en concert et t'as pas voulu les voir à Saint-Sauveur du Rock ? Parce que je les ai revus au Hellfest et ça m'avait gonflé. Ah, ouais. Donc c'était en 2013. À Briouze ? Oh putain, je sais plus, c'est moi. Ça. Ils sont passés parce que au Hellfest en 2016. Je les ai vus en 2013 au Hellfest et justement, quand je suis allé les voir à Briouze, c'était un vendredi soir, le jeudi, je suis allé voir Rammstein au Vieille Charrue. Putain, mais tu bouges, toi, hein. Tu y vas quand même. Et ouais, c'est le pire concert de ma vie. Ah, c'est le pire concert. Rammstein, c'était mon pire concert. Ah bon ? Ah ouais ? J'ai jamais fait un concert aussi pourri de ma vie. Sérieux ? Ah ouais, je crois que c'est le pire. Pourquoi ? Parce que c'est les Vieilles Charrues. Ouais, c'est pas le bon public. Ouais, c'est ça. J'étais là, je me faisais qu'est-ce que je fous là ? Ouais. Je bougeais même pas la tête, rien du tout. Ah bah ça, c'est les gens, ils ont pas compris ce qu'ils sont. Alors que l'année dernière, quand ils sont passés au Hellfest, c'était bien. J'ai redécouvert le groupe. On voyait pas bien. Nous on était loin. Non, j'ai redécouvert le groupe, les mecs ils avaient le sourire. C'est ça. Et ça fait plaisir. Ouais. Mais, ouais, mais ça, ça compte hein, mine de rien dans un groupe. Hein. Je me rappelle au Vécharu, tirer la gueule comme un rein. Le public. Bon, en même public temps, ouais. C'est Live Nation. Je peux dire si c'est un public breton ou un public de Vécharu, mais. Bah, on avait entendu. Bah, c'est toi qui avais entendu l'histoire d'un vigile qui avait été dans leur tourbus et qui disait que le chanteur il avait pris 2 minutes pour discuter avec le vigile et tout ça avant de dire bah je te laisse parce que j'ai du boulot et tout ça, mais toi le mec encore très humain quoi. Ouais. Bon. Je peux avoir une petite anecdote sur Rammstein. Ah vas-y. Qu'on m'a raconté, qui est vrai. Merde. Ah bah comment non, parce qu'il y a des anecdotes qui peuvent être fausses, mais ça vient d'une personne proche du groupe qui connaît très bien le groupe. Donc en fait, Till Lindemann, avant chaque concert, qui s'enferme pendant 10 minutes, un quart d'heure à peu près dans sa loge. Ah non, c'est bon, on va pas savoir. Moi aussi, des fois, je m'enferme. C'est ça tout va. Public, hein. En fait, peut-être pas que dans sa loge, mais en tout cas, il passe 10 minutes, un quart d'heure. Et il faut qu'il tape dans les murs. Et il détruit peut-être pas tout dans sa loge, mais il faut qu'en gros, il se cogne la tête contre le mur. Oui, il est stressé, quoi. Il est stressé. Il est en fait, il rentre pas sur scène tant qu'il ne saigne pas de la tête. D'accord. Et c'est pour ça que quand tu le vois en concert, il pisse toujours le sang de la tête parce qu'il se fracasse la tête avant. Mais c'est quand même le mec qui a été quand même jusqu'à se faire percer la joue pour l'effet où il fait de la lumière avec sa bouche. Son clip, ouais. Non, mais même en live, ouais. En live aussi, il le fait. C'est des malades, ces gens-là. Je vois pas leur moins, tu vois, c'est pour dire la perfection qu'ils ont derrière pour être dans leur truc, quoi. C'est ça dedans. Oui, non, mais de manière, c'est carré de chez carré. Il n'y a pas à chier de ce côté-là. Du coup, est-ce que tu as déjà fait des festivals ou concerts hors France? Parce que du coup, t'aurais pu tenter d'aller être au Grass Pop. Non, pas du tout. Ou à Alcatraz. Par contre, il y a un festival qui me tente très bien, c'est le Resurrection Fest, qui est en Espagne. Ouais. Il y a apparemment. J'ai vu que l'affiche, pas mal. Les cette année, il y avait Rammstein, apparemment. Et... J'ai pas vu l'affiche qui est sortie. Ouais. Enfin, je n'ai pas vu. Ah, ben regarde, tu vois. Putain. Pour moi, c'est un festival qui est. Même si ça peut être pas trop blindé, t'as de la place. Les Espagnols, ce qu'on m'a dit, les personnes qui sont allées là-bas, ils ne se touchent pas. On va dire qu'ils sont pas épaule contre épaule. Ah bon ? Il n'y a pas de pogo, il n'y a pas de... Ça peut pogoter un peu, mais... Ah, parce que du coup, si ça bouge pas, ça peut ne pas avoir d'ambiance aussi, quoi. Mais apparemment, c'est une ambiance différente. Ouais, bah ça... ça, vivre une fois. Mais tu l'entends souvent, faut être curieux. Tu sais, en groupe, ouais, vous êtes un bon public et tout ça. Tu, ouais, c'est vrai, tu dis ça tous les soirs, c'est bon. Mais apparemment, il y a des... C'est ça. Le Brésil, la France, de très bons publics. Ouais. Il y a des pays où ça bouge pas du tout, c'est comme ça, c'est culturel. Non, et t'as pas été au Fall of Summer ? T'es où ? À Paris, enfin en région parisienne ? Non. Il y avait Coven cette année, je crois, et j'ai plus les autres noms. Après, le problème, c'est que. On a toujours le même principe, hein, c'est l'argent. C'est ça ? Ouais. Non, mais... Donc il faut se déplacer, il faut jeter les passes. D'ailleurs, on a des activités musicales aussi. Le temps. Et le Wacken, ça t'a jamais tenté ? Un jour, je pense que j'irai, mais pas tout de suite. Peut-être l'année prochaine, on verra. Donc, c'est du jamais. Coup, si on peut résumer, donc, le Hellfest est le festival de ta vie. Voilà. Entre guillemets, ouais. Oui, non, mais nous tous, c'est un podcast sur le Hellfest, donc c'est le festival de ta vie. faut être corporate, les gars. C'est ça, totalement. Corporate. Complètement. Le motocool d'or. Merci. C'est bien. En plus, tant que tu peux le faire en bénévole, tant mieux. Oui. Voilà. Mais tu irais pas tous les ans, forcément. Non, ça dépend de l'affiche. Après, voilà, maintenant... Ouais, par exemple, cette année, il y avait des trucs qui t'ont botté dans l'affiche ou t'as fait bénévole comme ça ? Parce que... C'était 50-50. Ouais, ok. J'ai tenté bénévole. Si j'étais pas pris bénévole, je faisais festivalier. Tu faisais quand même un festivalier, c'était... Ah oui. Ah, d'accord. C'était vraiment histoire de rencontrer d'autres personnes, parce que c'est important de rencontrer du monde, aussi, quoi. Je suis entièrement d'accord. Pardon, Bob. Et de faire un autre festival aussi. Mais c'est aussi, ça, en fait, parce qu'en fait... C'est ça qui est intéressant. Et puis l'avantage du motoculteur, t'as plus davantage de faire des petites découvertes qu'au Hellfest, que quand même au Hellfest, maintenant, il y a que... Faut se lever de bonheur. Il y a des grosses têtes d'affiches, mais après, tout le monde gueule, mais parce qu'ils ne voient que les trois gros noms sur l'affiche. Et derrière, il n'y a que du tête d'affiche. Alors que pourtant, tu vois... C'est que de la tête d'affiche. Quand il y a Tagada Jones qui va jouer à 16h, mais Tagada Jones, ça reste une tête d'affiche. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, d'ailleurs, c'était vachement bien. Alors, ils ont retourné la Warzone, ils l'ont retourné. C'était violent. Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout que nous, on s'était fait cette remarque dans la saison 1 déjà, de se rendre compte qu'en fait, sur les 160 groupes, on devait en connaître à peine 20%, quoi. Tellement il y a des groupes obscurs et de machin. Et que... Regarde, je te disais tout à l'heure, Kindred, ils ont joué vers 14h ou 15h. Ouais, 15h. Donc, c'est quand même assez tôt. C'est un groupe qui peut être une tête d'affiche n'importe où. Donc... Mais j'ai été très surpris parce que j'avais écouté un peu en live et je trouvais ça beaucoup trop hip-hop. Et en fait, ça passait vachement mieux. J'aime bien le mélange, en fait. Ouais, en live, ouais, pourtant, je suis pas un gros fan des mélanges. Quand c'est bien fait, ça passe bien. Ouais, il faut un mélange raga, metal, qui est vraiment cool. C'est très, très, très sympa. Ouais. En fait, c'est vrai que parce qu'on s'est... En fait, Bob, qui avait un petit peu une dent contre les festivaliers du Hellfest, on peut le dire comme ça, se demander justement si ça valait le coup d'aller au motoculteur ou de tenter l'expérience une fois pour voir. Alors, là, t'as pas le principe du motoculteur, t'as pas le principe déjà du mec qui va venir au motoculteur pour voir ce que c'est motoculteur, parce que c'est pas assez gros. Ouais, donc t'as vraiment que des fans de métal. Ah, c'est que du, voilà, que du métallo, du punk. D'accord. Okay. Et en termes de public, quand même, il y a quand même une ambiance positive. Ou... Ah oui. C'est très cool. Ah oui, ça reste festif après. Très, très bien, tu vois. Ça reste festif. Ah non, mais attends, j'ai rien contre. Moi, ça fait 4 ans que je me dis. Hellfest, mais le Hellfest c'est plus vraiment pour l'affiche, moi, qui voilà. Parce que je sais qu'il y aura forcément des groupes que je vais avoir envie de voir. Que le motoculteur. Cette année, il y avait Guédré. Oui, bah énorme Guédré, moi je l'ai vu il y a. C'est pas du tout du metal, mais dans les paroles, c'est. Ouais, mais dans l'esprit, pas dire punk. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas punk, même dans les. Faut faire des au niveau des paroles, mais. C'était bien marrant, tu vois, à un moment, j'ai pas compris. Il y a tout le monde qui s'est mis dans la fosse, au sol, à faire. Je sais pas comment dire. Une genre de hola au sol. Quoi. Ouais, mais ils font ça assez Alstorm. Ouais, c'était marrant, quoi. Tu fais le bateau, l'aviron un peu. Le rameur. Le rameur, c'est ça le mot. C'est un peu. Ouais, non, mais c'est vrai que ça reste un festival. Je suis assez curieux aussi de voir ça. En fait, tu fais des bonnes petites découvertes. Il y a des groupes que j'ai découvert là-bas qui ont déjà joué apparemment au Hellfest. Après, le problème de ces petits groupes-là, c'est que c'est vachement plus dur de les retrouver après pour avoir du matos. Faut directement acheter leur CD sur place. Parce que ouais, et des fois, ils vendent même pas leur CD. Ben, c'est ça, ils ont rien des fois. Ouais, on a rien. Moi, je voulais acheter un CD d'un groupe. Et ils n'avaient pas. Il n'y avait pas des scuds. Merde, il y a des t-shirts. Par contre, on peut venir chez toi jouer hein, directement dans ton salon. Il n'y a pas de souci. Pour 10 balles. C'est ça. Donc du coup, je suppose que tu es impatient de savoir la fiche de 2018. Parce qu'on l'a. Non, je déconne. En avant-première. Et en avant-première. Parce que nous sommes le podcast du UFF. On est le seul. Le podcast. C'est ce que eh, on peut tous se permettre. On exactement. Peut tout dire. On est les champions. L'autre jour, ce que je disais, j'ai tapé Hellfest dans Facebook. Tu avais trois résultats. Tu avais nous, la page du Hellfest et le culte. Allez, bim. On a bien on choisi. Représente. On représente Ben, hein, encore une fois, si jamais un jour t'écoutes. Bah allez, je vais être sympa, je vais vous faire un peu de pub sur les Apple Scouts. N'hésite pas, n'hésite pas. En plus, nous, on le fait même pas. On a pas d'arrière-pensée parce qu'on pense pas. Aucune. Voilà. Voilà. Non, je suis prend, vide. Voilà, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Quand on me souffle dans l'oreille, ça on fait. On prend tout ce qu'il y a à prendre. Juste entre nous, Live Nation nous a déjà fait une accred. Ouais. Tout ce qu'on a dit. Voilà, c'est ça. Au bout de deux mois d'existence, hein, ils nous ont fait une accred en disant OK, venez les gars. Mm. Qu'on a à dire. Et leur affiche n'était pas dégueu. Hein. Après, bon, bah, c'était pas. Il y avait Biffy Clyro. Il y avait. Frank Carter. Frank Carter. T'aimes bien Frank Carter ? Connais pas. Je suis sûr que tu vas pas aimer, donc je vais pas t'en parler. Il y avait System of a Down et il y avait des groupes pas bien du tout. Voilà. Voilà. Frank Carter, ça fait un peu explorateur. Donc, non, je sais pas ce qu'il a exploré dans toi, mais bon. C'est l'ancien chanteur de The Gallows. Donc c'est très punk, hardcore, enfin plus punk, hardcore, mmh. Punk anglais un peu. Ouais. D'accord. Et c'est le mec qui était, il marche sur les gens, dans ouais. Warzone. C'est un rouquin avec des tatouages. C'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Non. Ça me parle pas. Ah. Bon, de toute manière, je pense qu'on aura bientôt des nouvelles du fait, parce qu'on peut dire que les news sont un petit peu... Oui, tout à fait. Inexistantes. C'est ça. Voilà, donc qu'est-ce que t'attends de cette édition à venir, toi ? Richard, parce que je... De l'alcool ? Ouais, mais ça, tu vas l'amener toi-même, donc il n'y a pas de problème. Et puis, ils en auront. Hein. Après, je n'ai pas d'attente spécialement. Très bien. Juste passer un bon festival, et puis voilà. Ok. Bah écoutez, les gars, ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Mmh. Ah si, il y avait un truc. Bah mais si, il y avait un truc, mais est-ce qu'on ne parle pas ? J'avais dit qu'on pouvait parler... Ah, vas-y, oui. Je sais pas si je peux le dire. J'ai une news, c'est peut-être plus une news. Il n'y aura plus de Kronenbourg cette année. Oh ! La bière qui est dégueulasse au Metal Corner quand arrive le jeudi. Ah bah cool ! Surtout le festival, c'est plus eux le distributeur d'alcool. Enfin ! Comment tu le sais ? Par un copain. T'as un copain d'un ami ? Non, qui a appris ça, peut-être sur internet. Oh, et ce serait Henken maintenant. Ah bah quand même ! Ah. Ils vont pouvoir augmenter d'un euro les bières. Mais c'est ça ! C'est ce que j'étais en train de dire. Ça empêchera pas de ramener du picon. Ouais, non, pour faire un petit picon bière quoi. D'accord, eh ben, c'est une bonne nouvelle. Fallait que je passe un petit coucou à un ami mutuel, un certain Alexandre, que tu connais aussi, je vais pas dire son nom de famille, je dirais que tu as déjà vu, bah, qui traînait beaucoup à la campagne. Ah oui. Voilà. Donc, Alexandre, si tu vas au bout de cette écoute, voilà, c'est ton petit coucou, parce que je lui ai dit que tu étais là ce soir. Donc, Bonsoir, mon petit lapin. Voilà. du coup, j'avais dit qu'on pouvait parler d'un groupe ou d'un scud qu'on aimait bien. Richard, t'en as trouvé un ? Ah, cette année ? Non, n'importe où. Un truc dont t'as envie de parler, un groupe que t'as envie de parler, totalement autre ou pas ? Non. Eh ben, c'est parfait. C'est exactement ce que j'aurais dit pareil. Toi, Bob, t'en as un ? Bah ouais, j'en ai un. Ah, tu vois, il a fait ses devoirs. C'est même un collègue. Ah, oui, tu vois, tu ne l'as même pas fait penser. Non, mais tu m'as jamais envoyé le lien en même temps. Mais je vais te l'envoyer dans la gueule. Qu'est-ce que tu veux, voilà. Et donc, ça s'appelle Walken Syndrome. Attends. Il faut contextualiser. Tu as un collègue qui fait de la musique ? Oui, qui est guitariste dans un groupe de punk rock. De la région, donc ? Oui, de la région. Très très bien. Oui, parce que tu veux en savoir plus ? Ben, je sais pas, j'attends. Ses mensurations, peut-être ? Non, ça m'intéresse pas. Non ? Non, dis-moi. Non, mais je peux lui demander. J'attends. On est en vacances hein, pour l'instant. Donc, après, toi Oui, bah, enfin, on est collègues, donc il est aussi en vacances. Ah, bah lui et toi. Enfin, je parlais de. Pardon, excusez-moi. De nous. Je voulais pas vous interrompre. Allez-y. En dehors, tu ne m'intéresses pas. Je ne réponds pas à ce genre d'attaque gratuite. Et donc. Ah ouais, oui, alors, ce groupe s'appelle Walken Syndrome. Que j'ai découvert, mais alors vraiment ça, par hasard. Ça a l'air de parler à Richard. Non, je cherche pour voir si ça me parle. Surtout. Ah, ça n'a pas l'air de parler à Richard. Si tu connais Jean-No, qui est décédé il y a pas longtemps. Oh bah bien. Guitariste. Ouais, non, mais après, c'était le deuxième guitariste du groupe. Oui. Voilà. Et donc, ils ont sorti, enfin, on m'a envoyé un lien avec quatre titres. Un EP, enregistré, donc. Un petit EP. Très, très bien. Bah, c'est pas mal. Avec on sent bien les petites influences Dead Kennedys et tout le tralala. C'est pas mal du tout. C'est un bon petit punk rock. Oui, le tralala. Oui, alors, j'assume. J'assume totalement. Non, mais le tralala passe partout. Moi, je... Totalement. Très bien. Fan des deux minutes du peuple, le tralala parlera. D'accord. Donc c'est une bonne découverte en fait. Ah bah totalement, ouais. Tu t'attendais à un collègue et en fait. En fait, c'est un collègue. Mais musicien. Musicien. Très très bien. Qui plus est. C'est dingue. Oh. Les gens sont fous. C'est ça. Et donc ces quatre titres t'ont bien plu. Mais tout à fait. Ouais. Tout alors à moi fait. J'aurais voulu donner mon avis, mais on m'a pas filé le lien. Donc ça fait une semaine que je l'attends. Mais... Je t'ai fait écouter, espèce d'enfoiré. Oui, bon, tu vois, en 5 secondes. T'as vu, c'est pas mal, hein? Parce que t'as une oreille attentive à 5 secondes de musique. C'est vrai. Et j'ai dit. Ah, tu aimes Trivium? Oui. Ah bah. Merci. Ah non, attendez, alors, excusez-moi. Non. Trivium, les deux premiers albums, tu peux cracher dessus. Tu peux pas cracher dessus sur les deux non, premiers. Parce que c'était une bonne musique, quoi. Voilà, et bah le dernier est bien. Arrête. Mais arrête! T'as écouté Betrayer? Betrayer, elle est excellente. Alors, ne dis pas les titres parce que j'ai pas retenu. Ah, bah c'est dommage. Parce que justement, déjà, la musique, j'évite de la retenir. Non, mais on n'est pas là pour cracher sur les groupes. Chacun a des goûts, machin. Moi, j'ai pas envie de. Ah, t'as des goûts de merde, c'est tout. Ouais, et alors. Ah, c'est faux. Parce que j'ai toujours dit que j'avais les goûts les plus mainstream. Voilà. Remarquez comment j'ai réussi à me sortir d'une situation en foutant la merde. Ah, non, mais y a pas de problème. C'est pas comme ça qu'on. C'est pas aujourd'hui que moi et Richard, on va se fâcher. C'est ouais, ça. On attendra d'avoir coupé ce podcast. Après, on se fâchera. Il y aura des vidéos. Voilà. Non. Non, mais on a tous ses défauts, de toute façon. C'est vrai. Et puis. Toi, t'aimes Trivium, voilà quoi. Moi, j'assume. Je fais très bien la musique. Moi, si c'est seulement ton seul défaut, c'est très bien. Ça va. Ouais. Ouais. Alors, je vais pas aller plus loin parce que je pourrais en dire plus. Je pensais que vous vous connaissiez assez pour savoir que t'étais fan de Trivium. Voilà. Non, mais parce qu'en fait, on s'est beaucoup croisés, moi, Richard. C'est ça. Je croise tout le temps à des concerts ou des machins. Ça va. Non, je sais qu'il est très fan de Metallica. Exactement. Ça, faut pas y toucher. Voilà. Bah, on peut pas. Hein. Ah, bah, en même temps, Metallica quand même. Et t'avais bien aimé leur dernier album ou pas? Sympathique. Non, il était bien. C'est un très bon album parce qu'il y a pas. Ah, t'as senti ça, c'est Metallica. Sympathique. Non, ça va. Ouais, non, parce que non, ouais. Il est bien, mais tu vois, bon. Mais c'est pas. Ils ont fait comme maintenant fait du Slayer, ils ont fait du Metallica, quoi. Oh non, là alors. Bon, ils sont allés chercher un peu plus loin que les albums précédents, quand même. Je trouve quand même qu'ils ont un peu plus de recherche que dans Slayer. L'album précédent était un peu plus. Slayer, c'est vachement plus. Ah, c'est un peu comme Slayer, mais leur dernier album est quand même un peu plus recherché que les avant-derniers, quoi. Ça se répète quand même, hein, quand tu veux. Enfin. Non, mais il est plus violent que ce qui a été. Ouais, ça, je suis d'accord, il est plus violent, mais. Ouais, non, mais le problème de Slayer, c'est qu'ils ont vraiment. On doit faire de la mitraillette, on fait. Ça, c'est. T'as l'impression en fait qu'ils font juste des trucs entre deux pour arriver. Alors, c'est à le problème de tous ces gros groupes maintenant. Les mecs, ils se les fait chier de faire. Tu veux par exemple alors. Tu regardes Tom Araya, ça le fait chier de faire du Slayer. Mais il faut qu'il arrête alors. Il en a marre. Bah qu'il arrête. Ouais, mais il sait que faire ça. Ah, c'est dommage. Tu veux. Tu regardes Rammstein, c'est pareil. Rammstein, ils en ont marre. Les mecs, ils en ont marre de composer pour Rammstein. Parce qu'ils veulent faire autre chose. Enfin, ils voudraient faire autre chose avec Rammstein. Mais c'est leur toujours le problème des tourneurs pour oui, bah ça, le disque. Faites ça comme ça, quoi. Le public veut ça, ouais. Est-ce que tu avais écouté par hasard le dernier album d'Anthrax? Non. Je l'avais trouvé vachement plus sympa, justement. Ils étaient revenus à un truc un peu plus cool. Je t'avais fait écouter un peu Bob. Ouais. Tu avais dit, ouais, c'est pas mal. C'est ouais, ça. Carrément. Ils avaient vraiment retrouvé une bonne énergie, en fait. Et... Bah écoutez, bah, hey, 1h28, c'est pas mal. Si personne d'autre, quelque chose d'autre à faire, des trucs, des rajoutés. Parce que les phrases avec les mots dans le bon sens. Toi, c'est quoi ton c'est album nul. De la semaine ou de ton c'est, album mais non, découverte mais en fait, non, je trouvais que c'était. Comme t'en avais pas et que le sien était bien, j'avais pas envie de parler de mon. J'étais pas spécialement prêt. Ah si, tu m'as envoyé une photo. T'es prêt, apparemment. Ah, quoi? Maintenant t'es prêt, apparemment. Non, je suis pas prêt, j'ai pas envie. Non, j'avais. C'est quoi? Ah, Marilyn Manson. Enfin, j'ai pas. Non. C'est ta tête. Non, je le sens pas, non, là je. Ah. Non, c'est mal passé, c'est ça, non? Oh, non, c'est pas ça, mais j'ai pas assez de bons trucs. Je sens pas. Tu sais, on a tenté des trucs cette année. Le premier épisode, on a tenté de dire les meilleures ventes, machin. Ouais, c'était un peu. Au moment où je l'ai fait, je l'ai pas senti. J'ai dit, oh non, il y a des trucs comme ça. Donc là, ouais. Je le sens pas. Et il a parlé de Ghost la semaine dernière. C'était pareil, c'était pas. Pourtant, autant, justement, j'en ai reparlé. Le fond était bon, mais la forme était un peu mal branlée. Tu vois, on teste cette année. Ouais. Donc, ouais, mais écoute, voilà, du moins, enfin, il n'y a pas trop de blanc. Vous avez quoi appris le permien et le carbonifère, donc ça va quoi. Alors celui-là, le carbonifère, non, c'est il est quoi, élégant. Le pétrolacosaurus et élégant. Le cynognathus. Il y avait celui-là aussi, non? Non, ça c'est celui-là. Celui-là qui faisait des œufs à la place de je sais pas. Non, c'est lui. Il faisait peut-être des œufs. Peut-être pondait-il des œufs. Ah, peut-être. Alors c'est celui qui est élégant. Il ressemble à un petit chien. Voilà, c'est ça. Le cynognathus. Et au fait, c'est quoi juste ces trucs? En fait, c'est un jeu de cette famille sur les dinosaures. Oups, ça doit être compliqué. Ok, bah du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à de la table. Et on a fait un peu le tour de la table. Très très bien. Un mot pour la fin, Richard? Je sais pas, tu remercies pas les sponsors, non? Alors, bah les sponsors, c'est moi. Et un peu Bob. Bah, Haribo, Green. Ah, ils ont pas sponsorisé du tout, hein. Ils ont pris mon argent. Complètement, ils ont pris mon argent. Oui, non, mais je veux dire. Dans ce cas-là, si peut-être je. Peut-être que. Attends, si. Alors, je sais si. Non, non, alors je sponsorise ma femme parce que j'ai pris sa carte bleue pour payer. Ah oui. Elle l'a pas vu. Bah, moi, je sponsorise mon boulot. Hein, qui me paye pour bouffer. Donc, un mot de la fin. Et rester en vie. Richard. Bah, moi, je vous dirais merci de l'invitation. Ah, ouais. Ça nous a fait plaisir. Enfin, je crois. Puis. Oui, là, totalement. Ouais. Non, ça change, ça fait du bien d'avoir un petit peu de du monde. Des gens. Ah, parce que j'en ai marre de Jack, il me fatigue. Des gens qui si vous savez ce que je dis. Hey, mais ça va, on peut tourner. Oh. On peut tourner. D'autres trucs, des Patrick fois. Sébastien. Très bien. Donc oui, donc de manière potentiellement, on te revoit la semaine prochaine. Oui. Potentiellement. Bah, potentiellement, oui. Le temps on qu'on arrive jamais. À s'accorder des fois. Oui, c'est ça. Ça va plus être ça. Mais on doit effectivement avoir Richard qui revient sur notre chaîne avec un de tes comparses de ton groupe. Gardons l'identité secrète, ça sera Étienne, le batteur. Ah putain, mais tu es mauvais. Quoi? En gardage d'identité secrète, t'es mauvais. C'est pas la première fois. Je sais bien, j'ai déjà grillé les gens. Ouais, je m'en plains. Un mot de la fin? Cendrier. Ah, moi j'avais clavicule. Ah, c'est pas mal. Richard? Hier? Ouais, c'est un peu. Oh, c'est trop facile. Ouais, c'est trop facile. Loud. Oui, Loud. Loud, très très bien. Bon, bah écoutez, bonsoir à tous. Merci. Au revoir et puis à bientôt. Non. Bienvenue sur ce troisième épisode de Rock 12 Fest. Hey, ça bah trinquons. Hey, on trinque. Hey, ouais. C'est bon ça. Non, normalement, t'as ta petite formule de fin à dire. Ma petite formule de fin. Ah oui, c'est vrai. On vous emmerde et on vous aime tous. C'est ça. Au plaisir. Bisous. Salut à tous. Goodbye. Enfin, à toi, du coup, qui nous écoute. Oui, merci. Ou Nico. Toi aussi, peut-être, là-bas. Maman, je t'aime. Moi aussi. Oui, non. Bah si, j'ai le droit, quand même. Oui, oui. Oh, non, foiré. J'ai rien dit. Ouais, bah j'ai bien ressenti. Mais t'es pas du tout, je me serais pas permis. Ouais, c'est j'ai ça. J'ai tellement de respect. Je vais pas rien demander, il faut appuyer sur le bouton coupe. Coupe.